tout le monde, vendredi, c'est le 9 septembre, vous écoutez Fun Radio, l'équipe de Bruno dans la radio va arriver chez vous là en direct après le best-of, il y a le live, il y a les nouveautés parce qu'il y a des conneries tous les jours, des toutes nouvelles et tout ça se fait en direct et tout ça se fait en complète improvisation. On va arriver chez vous avec toute l'équipe, il y a Christina, il y a Vaché, il y a Elliot, tiens, et j'ai une bonne nouvelle, on l'a, le nouveau. Le nouveau Lady Gaga, il s'appelle Perfect Illusion. On va attaquer l'émission avec ça. Nouveau Martin Garrix également, avec In the Name of Love. Et comme il y a beaucoup de nouveautés, je vous sors un petit ancien avant 6h30. Memories. David Guetta, mais il est avec Kiki. Kiki. Eh bien, vous suivez. Allez, on arrive chez vous, là, sur Fun Radio, après les infos. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Les infos de ce vendredi 9 septembre, Maxime Poulaouaï qui a fait sa petite coupe de rentrée là. Ouais, on est au mois de septembre, hein, tu sais, l'été c'est fini. Il y a encore du soleil. Ça va mon poulet, bah, c'est toi qui vas nous le dire. Ouais, oui. C'est vrai, la météo est bien aujourd'hui oui, ou pas? Oui, c'est vraiment pas mal. Vraiment du soleil quasiment partout, sur quasiment tout le pays. Juste quelques nuages, des averses sur la pointe de la Bretagne et au pied des Pyrénées. Comptez 10 à 15 degrés au réveil, ça baisse un petit peu. Et puis dans l'après-midi, on aura 20 à Brest, 22 à Dunkerque, 26 à Paris et Bordeaux, 27 à Orléans, encore 29 à Lyon, 33 à Nîmes. Interpellation musclée dans l'Essonne. Trois femmes âgées de 19, 23 et 39 ans ont été arrêtées hier soir à Boussy-Saint-Antoine dans le cadre de l'enquête sur la voiture remplie de bonbonnes de gaz. Radicalisées, elles préparaient des actions violentes et imminentes selon le ministre de l'Intérieur. Lors de l'opération, un policier a été blessé d'un coup de couteau à l'épaule, mais ses jours ne sont pas en danger. Des collègues ont riposté par arme à feu, la blessant aux jambes. Une nuit suspendue dans le vide, 33 personnes dont un enfant ont passé la nuit dans des télécabine au-dessus des glaciers du Mont Blanc à plus de 3500 mètres d'altitude. En cause d'un incident technique inexpliqué, les secours n'interviendront que dans une demi-heure si les conditions météo le permettent. Les naufragés ne sont pas en danger selon les spécialistes. 77 personnes ont pu déjà être évacuées depuis le début de la panne à 15h40 hier. Faible mobilisation des profs, ils ont manifesté à Paris ce jeudi, Lille ou encore Toulouse contre la réforme du collège. Seulement une semaine après la rentrée scolaire, le mouvement a été peu suivi. Moins de 5% de grévistes selon le ministère de l'Éducation. Le foot, c'est la reprise de la Ligue 1 ce soir. Début de la quatrième journée, le PSG recevra Saint-Etienne à 20h45 au Parc des Princes. En tennis, on suivra la demi-finale de Gaël Monfils à l'US Open à New York. Le Français affrontera le numéro 1 mondial Novak Djokovic à 21h. 6h02, c'est parti pour Bruno dans la radio. Bonne fin de semaine sur Fun. Fun Radio. Vendredi, c'est le 9 septembre, 6h02, vous écoutez Fun Radio. Bonjour! Bonjour! Alors attention, parce que sur d'autres radios, on vous dit ouais, c'est vendredi, ouais, oh, c'est vendredi, c'est fin de semaine. Et Lyon, on est quel jour aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on est vendredi. Vous arrivez sur Fun Radio, on vous dit oh putain, c'est vendredi! Parce que le vendredi, il y a les fringues du vendredi, il y a l'état d'esprit du vendredi, il y a les kiffs du vendredi. Et premier kiff que je vous fais ce matin, il va arriver là dans 3 minutes. On attaque l'émission avec le tout nouveau Lady Gaga, on vous l'avait annoncé, diffusé en avant-première sur Fun Radio cette nuit, et puis il est là normalement ce matin. Perfect Illusion. Ça va arriver dans quelques secondes. Il y a Christina qui est là. Bonjour à tous. Elle est contente hein, quand il y a un nouveau Lady Gaga. Ah oui, je suis contente. En plus, c'est Mark Ronson qui le produit, celui-ci, donc c'est forcément gage de qualité. Non, je suis très contente. Vaché, j'ai l'impression qu'il est un peu... Il s'en fout, plus. C'est pas que je m'en fous, tu sais, mais Lady Gaga, pour moi, c'est du passé. Hein. Faut laisser place maintenant aux nouveaux artistes. Hein. Tu vois, il y a la frérot de la Vega qui arrive, il y a Gims. Je veux dire, on a toute une palette musicale qui nous laisse pantois. Je pense, peut-être. J'ai pas compris ma phrase, pardon. Ça va, Elliot? Oui, ça va, ça va. Moi, t'as ça bien déjeuné ce midi ou pas? Oui. Mais tu veux raconter, bah oui. Hier, je vous avais annoncé que j'avais invité Elliot dans un... très grand restaurant parisien, oui, pour son anniversaire, et le repas ça devait être hier midi. Alors... Et vous étiez d'ailleurs sapé comme jamais, tout à fait. On peut reparler de la palette musicale de non. Et donc, une heure avant d'aller bouffer au restaurant, j'ai ma femme qui m'a appelé, qui a eu un accident de voiture. Donc, on a été obligé d'annuler. Elle va bien, elle va bien. Pas grave. La pas voiture grave. N'a rien. Ma femme, écoute, Alors c'est pas, on sait pas, mais en tout cas, la bagnole, nickel. Nickel. Non, mais. Donc voilà, je suis désolé, Elliot. Non, mais oui, c'est que partie remise. Même sa femme, hier, elle m'envoie un texto. Excuse-moi d'avoir eu une limite en accident de voiture, d'avoir annulé ton resto. Je lui dis, ça va pas. Genre, ouais, aussi. Enfin bon, fais chier quand même, parce que c'est pas facile d'avoir la table hein, dans ce restaurant. Sa femme, hier aussi, qui m'envoie un texto. T'inquiète pas, j'ai rien. La preuve, regarde comment je suis toujours aussi belle dans mes sous-vêtements. Pardon. Non, je parlais de quelqu'un d'autre. Ah, ouais, d'accord. Ouais, la femme de Maître Gims. Vous avez parlé de sa palette musicale ou pas? Bon, comme chaque matin, l'émission est dédiée à un auditeur ou une auditrice de Fun Radio. Et ce matin, c'est un auditeur. Il a 25 ans, il habite à Lyon. C'est Thibaut qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Bruno dans la radio. Oh, oh, oh, oh. J'aime ça bien, va, il la a fait en deux fois. Ouais, ça va super bien, mon pote. Et toi, tu fais quoi dans la vie du côté de Lyon? Alors, moi, je travaille dans l'industrie pétrolière. Ouais, c'est-à-dire, l'industrie pétrolière, tu vas sur les plateformes pétrolières et tu. Non, je vends en fait des produits industriels type robinet pour des centres pétrochimiques, en fait. Voilà. D'accord. Oh là. C'est compliqué ouais, c'est... comme métier. Quand tu as dit je vends des trucs ouais. en rapport avec l'industrie pétrolière, ouais, t'es pompiste, quoi. Ouais. Bah, Thibaut, t'es l'auditeur du jour. L'auditeur du jour, c'est quoi? Bah, c'est l'auditeur voilà, qui se retrouve en photo avec nous par un subtil photomontage sur la page Facebook de l'émission. Tu réinterviens quand tu veux jusqu'à 9h15, t'as le numéro direct pour aller en studio. Et puis surtout, yes. t'as le droit de poser la question à un membre de l'équipe. On a lancé ça, en début de rentrée. On a dit, voilà, tous les jours, un auditeur peut arriver poser une question à n'importe qui de l'équipe. Le n'importe qui en question est obligé de répondre. Et Christina, qui n'est pas la dernière, a dit d'accord. Et alors, on rajoute un truc, c'est que le vendredi, c'est la question coco, la question kiki, la question coquine. Mais ouais, mais parce que le vendredi, c'est léger, on a envie de se lâcher, tu vois. Alors, donc, question coquine aujourd'hui pour toi. Mais à qui veux-tu la poser? Alors moi, ce serait pour Vacher. Ah oh là là. C'est pas un thème qui prédomine en ce moment ma vie, mais pourquoi pas. Mais monsieur, il faut savoir que Vacher va être papa, c'est prévu pour dans un mois, grosso ouais. merdo. Vas-y, ouais. je t'écoute. Exactement, donc en fait, vu que Mariana est enceinte, je voudrais savoir quelle était la date de ton dernier rapport sexuel, Vacher. Avec Mariana, bien sûr. Ah bah ça commence fort. Avec oui. Mariana. Ah carrément. Réfléchis à la conception peut-être, non? Non mais attends, c'était quand? On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui on est vendredi 9 septembre. Normalement c'était samedi dernier, donc ça va faire 6 jours. Ouais. Oh bah ça va, c'est ouais. cool. Mais ça s'éloigne de plus en plus maintenant qu'elle est enceinte. Ça devient plus un truc, franchement, j'ai l'impression d'être dans Incroyable Talent, tu vois, et genre on fait une figure pour épater le jury. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut plus faire, tu vois. Enfin bref, je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Mais là je commence à avoir un peu le flip de peut-être que mon bébé peut, ouais, peut s'en rendre T'as peur que dans 3-4 ans, ils viennent te voir, ils te tapent sur le front en disant. C'est chiant, hein. Exactement. Thibaut, tu as ta réponse. Mais c'est gentil, merci, ça me correspond très bien. Eh ben écoute, si ça te correspond, c'est l'essentiel. Le mec, il a des délires chelous. Il couche avec des femmes enceintes, j'adore. Je vais le noter sur mon bouquin. Bon, vous appelez maintenant le 3228. On va jouer dans quelques secondes au toutou gagné, toutou perdu. Il y a notamment à vous offrir une PlayStation 4 et une caméra GoPro. Mais je voudrais que nous attaquions l'émission avec ce titre que vous avez découvert cette nuit en avant-première sur Fun Radio. C'est le nouveau Lady Gaga et ça s'appelle Perfect Illusion. Hey, this is Lady Gaga on Fun Radio. C'est le nouveau Lady Gaga, vous l'avez découvert cette nuit avant tout le monde sur Fun Radio, ça s'appelle Perfect Illusion. Tiens, on parlait des câlins de vacher, je voudrais qu'on rebondisse sur un truc que j'ai lu dans le journal hier, j'aimerais qu'on en parle ce matin sur Fun Radio. Est-ce qu'il y a un truc, puisqu'on parlait des câlins et de la dernière fois où Vacher a fait un câlin, que vous placeriez au-dessus d'un câlin? Ah oui, bien sûr. Bah Bruno, on en parlait au début de l'émission, un bon resto comme tu allais m'offrir là, un 3 étoiles à Paris, ça, moi franchement, tu me proposes un câlin ou ça, je prends le resto. Mais un câlin genre avec pas forcément ta chérie, avec une nana, un mannequin. Tu cherches. Si demain un câlin avec Clara Morgan ou un resto, le Clara Morgan est gagné. Ah, genre oui. Clara Morgan top list, top voilà. Rien ne vaut ça. Genre j'ai fait une émission de télé, j'ai enregistré vendredi, tout est permis avec Clara Morgan. Alors, j'ai jamais vu en vrai. Eh ben, elle est canon, mais je la connais, ouais. C'est une copine. Et elle est comment? Elle m'a demandé à venir dans l'émission. Eh ben, qu'elle vienne! Elle est comment habillée, du coup? En pull. Je l'ai pas reconnue, forcément. Moi, je vous écoute parler et je me dis que la chérie d'Eliott doit être ravie d'entendre ce genre de discussion. Quand on parle de ça, on le fait toujours avant qu'elle soit arrivée. T'inquiète pas. Elle dort. Non, mais vraiment, est-ce qu'il y a un truc? Je vais demander aux membres de l'équipe, j'aimerais que vous me disiez, vous, au 3228, ça vient d'une étude anglaise, d'accord? Et d'ailleurs, je vous dirais ce que les Anglais sont susceptibles de préférer au câlin, au sexe. Hein, donc, d'accord? D'accord. Mais j'aimerais que vous me disiez, vous, voilà un truc. On vous dit, tu choisis entre un câlin avec ton chéri ou ta chérie. Je parle pas de relation extra-conjugale avec un top modèle. Forcément, si je dis à Christina, t'as le choix entre faire du sexe avec Ryan Gosling ou aller au restaurant, elle va choisir Ryan Gosling. Ah bah évidemment. Ah oui. Ouais, alors que si on lui dit, tu fais du sexe avec Elliot ou tu vas au resto, bah je pense qu'elle va... elle va manger. Elle arrive en avance. Donc c'est avec notre chéri, quoi. Voilà, ouais. Ouais avec bon, la personne d'accord. qui partage votre vie, soit vous faites un câlin, soit un truc qui passerait au-dessus. Ok. Et on en parle 32-28, okay. Et si votre chérie, ou on peut masquer votre voix ou donner un autre prénom, vraiment. Si vous pensez qu'il ou elle écoute. Dans quelques secondes, le nouveau Martin Garrix. Ça arrive là sur Fun Radio pour attaquer ce vendredi matin. Nouveau Martin Garrix, In the Name of Love. Et pour l'instant, on joue. Toto gagné, Toto perdu pour jouer avec nous ce matin. Il y a Florian, il a 26 ans, il est à Toulouse, il est éboueur. Applaudissements pour Florian. Bonjour la famille, bonjour Bruno. Comment ça va mon poulet? Eh ben écoute, impeccable, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Hein. Eh ben ça fait plaisir de t'avoir aussi, t'es déjà au boulot, t'y vas? Parce que éboueur, tu commences tôt forcément. Ouais, j'y suis, je suis en plein dedans là. T'es quoi? T'es le conducteur du camion ou t'es derrière? Je suis assez polyvalent, mais on va dire qu'en ce moment, je suis plutôt tranquille au volant. Tu sais que Florian, mais je l'ai déjà dit à la radio, c'est le métier que je voulais faire quand j'étais petit. Ouais. Déjà, moi, je disais pas éboueur, je disais poubelleur. C'est trop mignon. Ouais, moi, j'ai appelé, c'était les poubelleurs. Et quand vous passiez devant ma maison, quand j'habitais à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, quand j'entendais le camion poubelle, je me mettais devant et je regardais le camion passer tout le long de la rue. Et le gars qui était derrière et qui ramassait les poubelles, j'étais fan. Je disais, putain, c'est génial, le camion roule. Il est accroché derrière. Je le voyais comme un super héros. Je te jure que c'est vrai. On l'a tous eu, ça. Et je trouvais ça génial. Moi, le fonctionnement du camion et tout, c'était un truc de ouf. Hein. Bon, Florian, il y a un coucou donc dans le camion. Oui, c'est un camion poubelle suisse. Quand tu ouvres le truc, ça fait... Je sais que t'aimais bien le coucou, t'en as parlé dans la semaine donc. Ben c'est pour ça. Tu viens de gagner une PlayStation 4, je rajoute une caméra GoPro, une enceinte Philips de couleur rose et un agenda Fun Radio, d'accord? D'accord. C'est quatre cadeaux. Je te remercie, à bientôt. Eh ben de rien. Mais il va falloir quand même que tu fasses un petit truc, hein, Florian, c'est que pour garder ces quatre cadeaux, faut que tu répondes correctement à quatre questions. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. Est-ce que tu es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Eh ben c'est parti. En créole. Ah, Bruno, ça me parle. Vas-y, envoie la question. Les allocations familiales, ça s'appelle l'argent braguette. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les arnaux créoles, je dirais vrai. Ouais, c'est vrai. Les allocations familiales, c'est l'argent que peut te donner l'État quand t'as des enfants pour t'aider. Ouais, ils appellent ça l'argent braguette, ce qui est un peu le cas, je trouve. Ça me fait rire. Moi, ça me fait marrer aussi. Tu gardes tous tes cadeaux, Florian. Deuxième question. Une étude scientifique a démontré que les manchots, les oiseaux des mers, donc, propulsent leur crotte à une vitesse de 7,2 km/h. Ah oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Christina, elle a l'air de bien rigoler. Mais je dirais vrai. Et tu sais pourquoi elle rigole? Parce que il y a un dessin qui illustre le truc, en fait. J'ai un croquis où on voit donc que le tube digestif du manchot est assez droit, que le sphincter a un diamètre de 8 mm et que globalement il projette à 40 cm. Il y a une petite courbe, tout est calculé. On va vous le mettre sur la page Facebook Bruno dans la radio. Mais moi j'aimerais bien savoir à quel moment tu te dis c'est important d'avoir cette information. Quoi. Bah, j'aimerais bien savoir à quel moment t'es payé pour faire ça. Excuse-moi. Florian, tu gardes tout tes cadeaux. Troisième question. Une année est constituée de 6 bimestres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 6 bimestres. Je dirais faux. Bah non, c'est vrai. Un bimestre, c'est 2 mois. Oui. 6 fois 2. Un bimestre. 6 fois 2, 12. 6 fois 2, 12. 12 mois. Oh, donc ça fait une année. Hey. Ouais, je préférais quand on parlait des oiseaux qui font caca, moi. Tu perds la PlayStation 4, on joue pour la GoPro, mais également l'enceinte et l'agenda. Dernière question. Il est recommandé d'aérer sa chambre le matin car les acariens ne supportent pas les températures inférieures à 18 degrés. C'est vrai ou c'est faux? Je dirais vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense aux acariens qui sont dans la chambre d'Eliott. Ils doivent faire 26 degrés. Ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont leur petite transat, le parasol, un petit cocktail. Ils se reproduisent. C'est un palace, à la maison. Eliott, c'est leur dieu qui, de temps en temps, laisse une petite tranche de pizza pour les nourrir à nouveau et créer des nouveaux acariens. C'est magnifique. Florian, tu repars ce matin avec... Il a eu 2 bonnes réponses ou 3 bonnes réponses? 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Eh bien, tu as la GoPro, tu as l'enceinte et tu as l'agenda Fonrad. Merci la famille. Ah, vous me faites kiffer, quoi. Ah, c'est top. Ça fait plaisir de vous avoir, hein. Eh ben écoute, tu sais quoi, c'est un plaisir partagé. Ça fait plaisir d'avoir un Toulousain. Je sais que Fun Radio est la radio la plus écoutée à Toulouse. Vous représentez les Toulousains. Tu fais plaisir, on t'embrasse. Eh ben moi je vous embrasse tous la famille, peut-être à bientôt. Eh ben écoute, t'es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux. Martin Garrix, il est le bienvenu aussi. Et ça tombe bien, c'est le nouveau, c'est tout de suite. Et c'est sur Fun Radio. Wake up, it's Martin Garrix with Bruno on Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call? In the name of love. Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. Martin Garrix sur Fun Radio, In the Name of Love. Fun Radio, c'est la radio des DJ. DJ Fun Radio, David Guetta, DJ Fun Radio, DJ Snake. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. DJ Fun Radio, Bob Sinclair. Je vous envoie les trois, ma petite dame, dans la demi-heure qui arrive. Je ne vous les emballe pas, c'est pour consommer tout de suite. Si on a un peu plus, ça ne fait rien, c'est pour moi. Merci. Ça arrive sur Fun Radio. On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Est-ce que vous connaissez ce groupe des années 70? Ah oui. Bien sûr, ABBA. Exactement, le groupe ABBA, qui était le groupe culte des années 70. C'était un groupe suédois qui a gagné l'Eurovision, qui a fait des tubes. Madonna s'en était inspirée. Pour Hung Up. Pour Hung Up, exactement. Et puis il y a eu une tournée aussi, il n'y a pas très longtemps, une comédie musicale avec toutes les chansons d'ABBA, qui a cartonné, je ne sais plus comment ça s'appelle. Gimme, gimme, gimme, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'était ça, leur gros tube, c'était ça. Gimme, gimme, gimme. Bah, c'est pas compliqué, c'est le seul que je vous mets pas là. Voilà. Et ABBA, ça cartonne dans les boucheries, surtout. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, hey. Avec les tripes. Bah hein. Oui, pas voilà. Single, bien sûr. Eh bien, il y a une étude qui est sortie qui dit que les Anglais, donc c'est une étude anglaise forcément, préfèrent le groupe de musique suédois ABBA au sexe. Non, c'est ah bon ouf. Ouais, c'est-à-dire que si on leur proposait, voilà, t'as le choix entre écouter du ABBA ou tirer un coup, et les Anglais ont dit, oh bah, moi j'aime autant écouter du ABBA. Bon. Voilà. Oh, c'est bizarre quand même. Alors oui, non, mais c'était la porte d'entrée pour cette discussion, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Non, ce que je voulais dire, c'est voilà, si vous aviez le choix entre un truc et faire crac-crac, qu'est-ce que vous choisiriez? Le truc qui passe un peu avant. Et je disais, bien entendu, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. On parle pas de fantasme érotique. Oui. Tu vois, Elliot disait, bah, ça dépend. Moi, c'est un bon resto par rapport à ma meuf, mais s'il y a Clara Morgan qui rentre... Bah oui, forcément. Direct, ouais. Bah, bien sûr. Ah ouais. Moi, il y a un truc, et je m'en suis aperçu cet été, que vraiment je préfère au câlin, c'est une séance de bronzage. C'est être au bord de la piscine... t'es à la cool, t'as chaud, t'es en maillot de bain, tu te mets de la crème solaire et ça, je trouve qu'il n'y a rien qui peut rivaliser avec ça en fait. C'est chiant. Mais non, t'es trop bien, la vitamine D t'en bouffe plein là, ça te fait du bien. Oh là, mais elle est folle, on dirait qu'elle est en transe quand elle parle de ça. Je te jure, j'adore ça. La vitamine D, donne-moi de la vitamine D. C'est malsain, arrêtez madame. Sébastien et Thalys, bonjour Sébastien. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Bonjour. Salut. Le truc qui peut passer avant un câlin avec ta chérie. Bah moi, c'est aller avec les potes au stade de foot pour voir le match. Ah, t'es fan de l'OGC Nice? Oui, voilà, on va à l'Allianz Riviera et tout ça. Ouais. Bah, et bah l'hôtel, hein, cette année-là. Ouais, cette année, bah, on l'attend. Bah, on va voir ce que ça donne. Parce que, et depuis que vous avez refilé au PSG Ben Arfa, ils sont moins contents au Paris Saint-Germain. Ouais, non, on prend les caves, on les remet en forme et après on les revend à d'autres. Ouais, c'est voilà. Ça. Excusez-moi, moi par contre je préfère entendre des gens faire l'amour que des gens parler foot. Mais c'est vrai. Sébastien, je t'embrasse, mon pote. Tiens, dans l'équipe, qu'est-ce que vous préféreriez plutôt que faire l'amour? On va demander à Meryl, tiens, Meryl qui bosse au web ici dans l'émission. Meryl, à choisir. Entre faire l'amour avec ton chéri et un autre truc, qu'est-ce que serait l'autre truc pour que tu choisisses? Ah oh bah rien. Hein. Ah ouais, rien. Ah ouais, rien, c'est ça. Vraiment, vraiment. Ouais, dans tout, tout. Oh ouais, je suis sincère. Tout est au-dessous du câlin, on est d'accord. Non, il y a le chocolat quand même. Ah. Il y a quand même le chocolat. Christophe, il est à Mont-Marsan. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Qu'est-ce qui passe avant le câlin pour toi avec ta chérie? Alors moi, c'est faire de la moto sur circuit. Ah bon? Ah ouais. Un biker, on a un biker à l'antenne. Ah ouais. Tu sais, des fois avec ta chérie. Si t'es en forme, tu peux faire un burn. Hein. Aussi. Ah, tu veux dire l'adrénaline de la vitesse, quoi. C'est meilleur, c'est ça. Oh bah l'adrénaline de la vitesse avec une fille, ça m'est arrivé. Franchement, dans mes premiers câlins, je l'ai eu. Hein. Bah, l'avantage, c'est qu'un tour de moto, ça dure plus longtemps. Quoi. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Je t'embrasse, Christophe. Bonjour, la famille. Ciao, ciao. Bisous. Moi, je crois que à choisir, vraiment. Ouais. Mmh. En période, hein, je parle. En période où c'est le cas, je crois que. Ce qui passerait avant un câlin, c'est quand il y a Walking Dead qui reprend. Ah ouais. Là voilà. C'est-à-dire que là, ça va réarriver au mois d'octobre. C'est ouais. La série avec les zombies. La série d'avant, enfin la dernière saison, c'est fini d'une façon tellement ouf que bon. Le soir du redémarrage de Walking Dead,

Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur Fun Radio pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur Fun Radio. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Bougez pas, Bruno. Une nouvelle fois ce matin, nous allons vous offrir, et à quelques jours avant sa sortie, le nouvel iPhone 7. Il va arriver en France le 16 septembre. On vous le fera gagner ce matin, là, avant 9h. Et le 16 septembre, alors que les gens feront la queue devant les Apple Store pour l'avoir, là, il sera déjà chez vous. La classe. Classe quand même. On va vous l'offrir ce matin, peut-être entre 7 et 8, là, sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Maxime Poulaouec pour les infos de ce vendredi, le 9 septembre, il est 6h30. Bonjour. Ah, bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce vendredi. Un ciel lumineux aujourd'hui sur la France, sauf sur la pointe bretonne concernée par des nuages et un peu de pluie les premières heures de la journée. Sur les Pyrénées, il pourrait y avoir quelques averses. Les températures sont comprises entre 10 et 15 degrés ce matin, jusqu'à 23 pour la Méditerranée. Dans l'après-midi, comptez 21 à Cherbourg et Biarritz, 22 à Rochefort, 26 degrés pour Paris et Tours, 29 à Lyon, 33 degrés à Nîmes. Elle préparait des actions violentes et imminentes. Trois femmes de 19 à 39 ans décrites comme radicalisées ont été arrêtées hier à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Une interpellation musclée. La plus jeune a blessé un policier d'un coup de couteau à l'épaule. Les forces de l'ordre ont riposté, la touchant par balle dans la jambe. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz et retrouvée à Paris le week-end dernier. François Hollande fait un pas vers une candidature en 2017. Le président a renoué avec des accents de campagne hier soir à Paris. Il s'est posé en défenseur de l'état de droit face au terrorisme dans un discours de futur candidat où il n'a pas ménagé ses attaques contre la droite et Nicolas Sarkozy. Bloqué à plus de 3500 mètres d'altitude, 33 personnes et un enfant ont passé la nuit dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc. Un problème technique est à l'origine de cet incident hors du commun. 77 personnes ont pu être évacuées depuis le début de la panne hier à 15h40, mais l'intervention a dû être stoppée par la nuit. Elle doit reprendre ce matin. Le football, la Ligue 1 reprend ce soir avec le début de la quatrième journée. Le PSG recevra Saint-Etienne à 20h45, deux semaines après la défaite contre Monaco, et à 4 jours seulement d'un match de Champions League face à Arsenal. En tennis, Gaël Monfils croit en l'exploit. Le Français tentera de se qualifier ce soir pour la finale de l'US Open à New York. Pour cela, il devra battre le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Début du match ce soir à 21h. Il est 6h33. On retrouve Bruno. C'est Fun Radio. Bon réveil. Sérieusement, il y a une casse qui vous manque ou quoi ? Bruno dans la radio. 6h-9h. Bonjour la famille, vendredi 9 septembre, DJ Snake. Avec Justin Bieber, Let Me Love You. Et Bob Sinclair, Someone Who Needs Me. C'est ce qui va arriver là, dans le quart d'heure sur Fun Radio. Vous savez qu'on fait de temps en temps ce qu'on appelle le Around the World sur Fun Radio, dans Bruno dans la radio, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous écoutent via funradio.fr ou via l'appli dans le monde entier. On a fait l'Australie, on a fait la Nouvelle-Zélande, on est parti loin. Oui. Beaucoup, aux États-Unis, beaucoup souvent. De villes aux États-Unis. On a fait Poitiers aussi. Ouais, alors Poitiers, là, c'était vraiment chelou. On a abusé. Ouais. La liaison était, ça coupait. En fait, les gars, c'est-à-dire que le gars qu'on va voir au téléphone dans 10 minutes, je ne sais même pas où l'indiquer sur une carte. C'est vrai? Ah bon, ouais. Ouais. Le nom, là, quand tu regardes, je connais le nom, je sais pas où c'est. Ça D'accord. commence par quelle lettre ? Ça commence par un T. Ah, je sais alors. C'est soit Tanzanie, soit Tasmanie. C'est non, ça ? Non, aucun des deux. Ah, d'accord. Parce que moi, je sais jamais où c'est, ces trucs. C'est la bon. Turquie ? Bah, ça, je sais. Prends-le pour un con aussi, vas-y. Hein. Il est juste en face de toi, profite-en. On va l'avoir au téléphone en direct. Voilà, ce sera notre Around the World du jour en décalage horaire. Là, chez lui, il est midi 34. Il y a 6 heures de décalage, ce qui est pas ouf. Hein. D'accord. Bon, bah vous allez découvrir cet endroit, cette contrée un peu bizarre, dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Voilà le chiffre. Vous allez amener au boulot, là. Vous allez au boulot. Vous allez dire, mais dis donc, t'as entendu ce qu'ils ont dit ce matin sur Fun Radio ? Ben non, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, ils ont dit qu'il y a 20 millions de boîtes d'un truc qui ont été vendues cette année. Mais d'après toi, c'est des boîtes de quoi ? Mais je sais pas, Jean-Michel. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, putain? C'est impossible. Si jamais tu trouves, je t'offre un café. Sinon, c'est toi qui me le paye. Voilà comment gagner un café au boulot. C'est pas mal. C'est voilà. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vos potes en auront marre de se faire niquer. Ils écouteront Fun Radio le matin, c'est tout. Il a l'air super gentil, ce Jean-Michel. 20 millions de boîtes de quoi sont vendues en France, hein. Je parle pas du monde. Ouais. En France, il y a un peu plus de 60 millions d'habitants. 20 millions de boîtes, vous faites le rapport, petit calcul de maths, hein, donc ça veut dire que c'est à peu près un Français sur trois qui achète une boîte. Voilà. Est-ce que c'est pas une boîte de rangement? Vous savez, les boîtes de rangement en plastique? Parce que moi, je sais que j'en achète hyper souvent et que bah, du coup, j'en ai plein dans ma cave. Moi, j'ai acheté des boîtes, c'est pas des boîtes de rangement, j'ai acheté des sacs de rangement. Ah, des tu sacs? Branches l'aspirateur dessus, ça aspire l'air et ça gagne moins de la place. Alors, les mecs, si je vous laisse parler, dans deux minutes, on parle de Tupperware. Hein. Alerte, alerte non, mais chiant. C'est pratique. Les Tupperware, il faut les acheter en verre. Doucement, doucement. On m'a dit que le plastique, c'était pas top. Qu'est-ce que c'est chiant. Excusez-nous, pardon. Merci. Non, c'est pas les boîtes de rangement. Non, va chier. Est-ce que c'est pas les boîtes de camembert? Tu disais que c'est en France, genre on est français, on mange du camembert, la baguette sous le bras et on joue de l'accordéon. Ah bien sûr, tu veux dire que c'est comme dans les films américains. Voilà. Ah, oui. Bien sûr. Et puis on roule dans des vieilles deux chevaux, même si on est en 2016. Attention, le courant d'air, mon béret va s'envoler par la fenêtre. Mon ballon est de vin rouge et je tire sur tout ce qui bouge. Foulard rouge autour du cou et je porte une marinière, car je suis français, mon frère. Et ma femme a des robes à fleurs. Et des chaussures compensées. Ouais. C'est français, les chaussures compensées, je sais pas. On s'en fout, c'est une chanson. Bon, laisse-nous aller. Oui. Tu vois, c'est notre cœur qui parle, Elliot. Bonjour, Anthony à Cannes. Bonjour, Bruno. Bonjour, toute l'équipe. Salut. On Salut. En achète 20 millions de boîtes en France. D'après Moi, toi, qu'est-ce que c'est? Je pensais à des laxatifs. Ah, il y a des petits. Bon. Petit souci en ce moment hein. Bah non. Un Français sur trois serait beaucoup quand même. Ouais. Laxatif, ça voudrait dire qu'il y a un Français sur trois qui est constipé quand même. Ouais, bah avec le stress, remarque, c'est possible. Hein. Merci, mamie. Bah, c'est, oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand quelqu'un est stressé, on lui dit souvent dis donc, Jean-Louis. Pète un coup, ça va te détendre. C'est vrai. Anthony, c'est pas le laxatif. Je te remercie de m'avoir appelé. Sarah, elle est à Paris. Bonjour, Sarah. Bonjour, la famille. Salut. Sarah, d'après toi, 20 millions de boîtes vendues en France chaque année. Moi, je pense boîtes de mouchoirs. Ah, bah bien sûr. Bah, oui, ça doit être ça. Bah, oui, surtout qu'en plus, à Paris, vu le temps qu'on a, bon là, on a de la chance, mais ces derniers temps, c'était pas ça. Et c'est vrai que les mouchoirs, bah, on les utilise pas mal. Hein. C'est vrai. Sauf Bruno Guillon qui, est-ce que tu peux le rappeler à la France entière? Oui, moi, j'utilise des mouchoirs en tissu. Mmh. Oh là là, ça fait ah bon ouais, comme un papy. Ah ouais. Mais pour oh, Bruno. Mais attends. Le tissu, y a rien de tel quand tu veux un tire-jus. Sarah, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, les mouchoirs à boîte de Kleenex que tu mets un peu partout, mais c'est pas les mouchoirs que j'attendais. Je te fais des bisous, Sarah. Moi aussi, gros bisous à vous. Bisous. C'est pas les trombones? Parce qu'on les oublie trop souvent, mais beaucoup de Français utilisent les trombones. 20 millions de boîtes de trombones. Bah oui. Ouais, bien sûr, pour fabriquer une tour Eiffel. Mais non, mais après, parce qu'il y a le fléau, moi, si tu m'achètes une boîte de trombones, je fais des colliers. Ah. Et beaucoup de personnes. Rappelle-moi ton âge, peut-être. 26 ans. Merci, Elliot. 20 millions de boîtes de jeux de société sont vendues chaque année en France. Ah, bah oui, bien sûr. Ah bon? Bah oui, non, mais rien que les enfants jouent aux jeux de société. Ça n'a pas disparu. Ça, c'est pas fini, les jeux de société. Ouais, moi je croyais, bah non, 20 millions. Ah, bah, au contraire, mais d'ailleurs, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que c'était en progression même. Mais on est d'accord que les jeux de société, c'est un truc genre tu finis un repas ou quoi, t'es entre potes, tu commences à jouer. Il y avait une super ambiance et à la fin, t'as toujours des mauvais joueurs, un mec qui fout le plateau en l'air, qui dit à sa femme, bon, de toute façon, on y va, on a deux heures de route. Mais non, t'habites à côté. Ouais, c'est toujours le pote qui dit, disons, on ferait pas un Monopoly. Hein? Ouais. De pas qu'on boive des coups plutôt la musique. 20 millions de boîtes de jeux, je trouve ça ouf. Ah, dernière boîte de jeux, dernier jeu de société auquel t'es joué? Bah c'était un Scrabble. Scrabble. Ouais. Vaché. Moi honnêtement je joue jamais, je peux pas dire je joue jamais. Elliot. Oh là là, moi je sais plus comment il s'appelle, c'est le jeu où t'as des cartes et dès que t'as la même tu dois prendre le truc au milieu là. Ah il est bien, oui, ça s'appelle justement le jeu des cartes où dès que t'as la même tu dois mettre le truc au milieu. C'est super, le truc au milieu, celui-là. Ouais. C'est des formes sur les cartes avec des points. Voilà. DJ Snake sur Fun Radio avec Justin Bieber. Ça s'appelle Let Me Love You. I used to believe. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Société dont tu parlais, Elliot, là, sur Fun Radio, oui. Il y a 3 minutes, c'est le Jungle Speed. Tout le monde le dit sur Twitter, ils sont très forts. Et hashtag Bruno Fun Radio, hein, les amis, pour balancer vos messages. Le Twitter de l'émission, il sert à ça. Hein. On les lit souvent à l'antenne et en tout cas, on vous répond. Bob Sinclair arrive dans quelques secondes et puis un petit Around the World qui va nous faire voyager là dans moins de 3 minutes. Ça y est, je sais où c'est. Ah. Sur une carte. Oui, je sais, sur une carte, bien sûr. Oui. Ça n'a aucun intérêt. On va partir à l'étranger avec un auditeur de Fun Radio. Destination exotique, les amis. On est en direct avec lui juste après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeet. Feder. Lion. Felix J. I am the bonfire. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. La foire au vin Netto, c'est la foire aux bonnes affaires, ah ben voyons. Eh oui, jusqu'au 18 septembre, partez avec deux cartons de vin pour moins de 25 euros avec l'offre un carton acheté, un carton gratuit. Netto, le discounter qui fait la différence. Deux cartons de 6 x 75 centilitres, soit 900 centilitres, soit moins de 2,78€ le litre, valable sur une sélection de vins disponibles en magasin. Magasin participant sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Gâteau! Gâteau chocolat, citron, coco! Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je ne vous cache pas que c'était très serré. Et dans la catégorie design, le prix du petit prix revient à la cuisine méthode Ringoult, 409 euros. Elle est bien équipée. Incroyable, elle sait tout faire. Chez IKEA, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur IKEA.fr. IKEA. Bah, retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. demain soir au club 801 à 3. Let's go. It's Niels Van Zandt on Fun Radio. Retrouvez le DJ Fun Radio Niels Van Zandt pour un DJ set exclusif. Welcome to Party Fun. Party Fun Club by Niels Van Zandt au club 801 à 3, un événement Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Let's go. Fun Radio. Fun Radio. She said, konnichiwa, she said, pardon my French, I said, bonjour, my dad, then she said, ça va, c'est, and I said, na boule, no matter where I go, go, you know I love them all. Fun Radio, le son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Fun Radio. 6h48, c'est Fun Radio, c'est Bob Sinclair. Et c'est cadeau. Présentation avant-hier du tout nouvel iPhone. L'iPhone 7 arrive en France. Sortie prévue le 16 septembre. iPhone 7, processeur plus puissant, meilleur capteur photo, pas de prise de casque, étanchéité à l'eau et à la poussière. Le nouvel iPhone 7 se gagne maintenant. J'ai envie de vous le filer sur Fun Radio. Et là, vous allez dire, il n'est pas sorti. Oui, mais vous le savez, nous avons des amis chez Apple. Et ces amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jour de la sortie de l'iPhone 7, ils vont le déposer chez vous quand d'autres attendront des heures devant l'Apple Store. Vous serez le tout premier livré. Et je vous l'offre ce matin. Il est 6h... Allez, on va dire 6h50. Oui. Il est 6h49, 6h50. Vous avez une demi-heure, 30 minutes et pas une minute de plus pour envoyer Bruno par SMS. Bruno par SMS au 74 900 pour les auditeurs qui nous écoutent en France. Bruno par SMS au 63 22 pour les auditeurs de Belgique. Et dans une demi-heure, un ordinateur va choisir au hasard un numéro de téléphone. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle en direct sur Fun Radio, vous décrochez, vous repartez avec le tout nouvel iPhone 7. Et là, vu que ça va être avant 7h30, on ne veut pas de répondeur. C'est-à-dire qu'il faut que ça décroche. Oui. Si ça ne décroche pas, on appelle quelqu'un d'autre, on tire un autre numéro au sort. Le but, c'est qu'on ait un gagnant avant 7h30. iPhone 7, je vous offre le 32Go qui vaut 769€. Comme ça, vous savez tout. Ça se gagne ce matin. Vous envoyez Bruno par SMS. 74 900 pour la France, 63 22 pour la Belgique. Tirage au sort dans une demi-heure. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Bah, du coup, j'ai hâte. À mon avis, on va partir là. Alors. Il l'a déjà, l'iPhone 7, je pense. Et si ça se trouve, ils l'ont déjà fabriqué. Il a des enfants qui l'ont fabriqué. Ah, c'est en Asie, alors. Je sais où c'est, alors. C'est bon. Bonjour, Pierre. Salut, la famille. Salut, Pierre. Salut. Décalage horaire, il est 6h50 ici en France. Quelle heure est-il chez toi, Pierre? Il est 12h50, là. Midi 50. Est-ce que tu peux nous dire... Alors, en fait... J'ai eu le nom de la ville avant d'avoir le nom du pays. Donc du coup, sur le nom de la ville, je me suis dit, merde, c'est où? Et après, oui, j'ai capté. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs de Fun Radio où tu nous écoutes, Pierre? Je suis à Taipei, c'est à Taïwan. Du coup, pour situer à peu près, c'est près de Hong Kong, je suis à une heure de vol de Hong Kong, au-dessus des Philippines et en dessous de Tokyo. D'accord. Qu'est-ce que tu fais à Taipei? Tu y es depuis combien de temps? Explique-nous. Bah là, j'y suis depuis une semaine aujourd'hui. Et je pars pour 10 mois pour faire mes études, en fait. Je suis à Lyon, normalement, je suis étudiant à Lyon, je fais sciences de l'éducation. Et là, je suis 10 mois, je vais essayer de valider ma troisième année de licence à Taipei. Oh, je trouve ça classe. Oui, ah, Vaché. C'est pas Doc Zineco qui sentait tout des Taipei, il me semble. J'étais pas sûr de cette vanne, hein. Je m'en vais. Pierre, j'ai une question. Est-ce que tu parles un peu taïwanais ou tu te démerdes avec l'anglais? Quand t'arrives là-bas, tu fais comment pour te débrouiller au quotidien? Bah alors, en fait, normalement, on m'avait dit qu'il parlait bien anglais, sauf qu'il parle uniquement quasiment que mandarin. Oh, moi, je parle pas du tout mandarin, je me débrouille un peu en anglais, mais en fait, je suis là pour m'améliorer en anglais. Donc là, les premiers temps, c'est un peu dur pour me faire comprendre, mais avec mon anglais et quelques gestes, ça passe. Et tu vas apprendre le mandarin, du coup? Je vais avoir 3 heures de mandarin par semaine, mais j'aurai quelques notions, mais c'est tout, en fait. Ouais, oh bah, je peux t'expliquer si tu veux. Menu B12. Bah, bien sûr. Bobouna. Même aux crevettes. Pierre, dis-moi, tiens, bah, justement, le truc là, en une semaine, le truc le plus dingue que t'aies vu ou que t'aies mangé ou que t'aies goûté, c'est quoi? Le truc le plus dingue que j'ai mangé, c'est un truc. Bah, alors, nourriture, c'est trop, ça trop dégueu pour le moment. Un œuf qu'il fallait faire cuire et dedans, il y a une sorte de liquide sucré salé à vomir. Et le truc que j'ai vu le plus dingue. C'est la ville, c'est complètement différent de la France, on peut même pas imaginer. Il y a des endroits super beaux et sinon après les rues c'est pas forcément hyper beau, mais voilà, c'est plein de choses dingues tous les jours, on voit des trucs hyper différents par rapport à la France et... C'est incroyable. Bon, en tout cas, merci d'avoir gardé tes habitudes et de nous écouter là-bas depuis Taipei, à Taïwan. Merci de t'être manifesté, Pierre. Belle journée et bon stage de 10 mois là-bas, alors, du coup. Ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup et à bientôt, peut-être. On t'embrasse, ciao Pierre. C'est que j'ai été vers Parla cet été et avec les œufs, ils ont vraiment des trucs. Ouais, mais vers Parla, ça n'a rien à voir. Parla, c'est dans les Pyrénées. Mais non, j'ai... Parla, je vois très bien. Parla. Parla, en France. T'as fait Tivo et puis après Parla. Petit village, Parla, très sympa. L'été, très sympa, Parla. Et Parsi, juste à côté. Oui, bien sûr. Allez, vous savez quoi? On va sortir de ça tout de suite. Non, mais c'est cool. Bob Sinclair sur Fun Radio. un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher tous les matins, juste après 7h sur Fun Radio, c'est l'heure du Vacher Time. Et ce matin, Vacher... J'ai demandé à des gens de m'aider à écrire un poème, voilà, pour les enfants. Attention, c'est vraiment pour les enfants. Et je leur ai dit, aidez-moi à trouver une rime. Et je les ai pas forcément, j'aurais pas facilité la tâche. Ouais, quoi. Parce que, du coup, tu les orientes vers un truc, ouais, et comme c'est pour les enfants, ils sont embêtés. C'est ça. Petit extrait. Un grand-père se précipite à vite pour montrer à ses petits-enfants sa marmite. Voilà. Donc, il y en a plusieurs d'affilée et au bout d'un moment, ça devient compliqué. Quoi. Elle assure, les marmites, c'était pas facile. Allez, c'est l'heure du JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, nous fêtons les Homères. Ah, Homère, l'Odyssée, l'Iliade. Ouais, enfin moi c'est plus les Simpsons perso, mais... Chacun ses références. Et pour commencer, Italie. En Italie, la Cour de cassation a jugé que se masturber en public n'est pas condamnable par la loi. On dit merci qui ? Merci Giacomo et Michele. Secours, à cause de la tombée de la nuit, 33 personnes sur les 110 coincées passent la nuit dans des télécabines du Mont Blanc bloquées à cause d'un problème de câble. Tout de suite, leur première réaction. Quand on reverrai-je pays merveilleux, t'imagines que... où ceux qui s'aiment. Le stress. Ouais. Ils sont à 400 mètres de hauteur, ils ont passé la nuit dans le délire avec des couvertures de survie. Et pas facile quand même, l'histoire. Selon une étude, il ne faut pas téléphoner sans kit main libre, il ne faut pas téléphoner en se déplaçant à grande vitesse, il ne faut pas téléphoner quand on est enceinte et il ne faut pas téléphoner avant l'âge de 14 ans. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, bah donc, faut pas téléphoner, quoi ! Oui, c'est pas faux. La suite ! Et pour finir, scoop, en période de gastro, qui va à la chiasse, perd sa place. Bah voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. L'humour britannique, hein, tout en finesse, c'est fou, hein, c'est vraiment un délire. Les amis, 6h58, on a lancé là un jeu SMS, il y a quoi, il y a une dizaine de minutes en direct sur Fun Radio. Vous avez jusqu'à 7h20 pour envoyer Bruno par SMS au 74 900 si vous êtes en France, au 63 22 si vous êtes en Belgique pour repartir avec le nouvel iPhone. iPhone 7 a gagné le 32 Go, il vaut 769 € et le jour de la sortie, le 16 septembre, il sera devant chez vous avant tout le monde. Vous jouez maintenant, tirage au sort à 7h20. Le nouveau Boosty s'appelle Popcorn, ça va arriver là sur Fun Radio et à 7h10, je paye de la facture. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio ? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go le son Dance Floor. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Tout chaud. Été indien ? Radiateur programmable. Économie d'énergie ? Facture réduite. Prix chaleureux ? 79 €. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Radiateur à inertie sèche 1000 watts avec double cœur de chauffe pour restitution progressive de la chaleur à seulement 79 €. Éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 9 septembre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Dis donc mon cœur, que t'auras fini les jeux sur internet, tu t'occuperas des pneus de la voiture. Mais chérie, je prenais justement rendez-vous sur le site de Romaster. Ils font des super offres. Toi, t'es malin comme un linge. Allez, clique mon cœur. Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant la rentrée des prix bas Euromaster, jusqu'à 100 € de remise immédiate pour l'achat de pneus Dunlop. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 30 octobre, devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Ça veut dire quoi être cool pour Darty ? Être cool, c'est être détendu après ses vacances. C'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille. C'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un aspirateur à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 25 septembre, profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'aspirateur avec sac Moulinex MO2430 est à 69,99€ au lieu de 89,99€, soit plus de 20% de remise. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur Fun Radio pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur Fun Radio. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100€ offerts en bons d'achat pour 500€ d'achat en meubles, déco et électroménager. 100€ offerts. Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Bougez pas, Bruno. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Vous avez des factures, ben je les paye. Vous me les faites parvenir, facture@funradio.fr. On va peut-être vous appeler là pour vous la payer tout à l'heure, 7h10. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Salut Maxime. Bonjour Bruno. Maxime Poulaouek pour les infos de ce vendredi. On a un week-end qui s'annonce pas trop mal. Pas trop mal. Au niveau de la météo. Ouais, ce sera encore mieux aujourd'hui. En fin de semaine, des nuages tout de même sur le Finistère ou encore le Pays Basque, partout ailleurs. De très belles éclaircies. Les températures baissent un petit peu ce matin, 10 à 15 degrés jusqu'à 23 en Méditerranée, mais ce sera toujours très estival l'après-midi. 20 à 25 le long de la Manche et de l'Atlantique et 26 à 29 degrés ailleurs jusqu'à 33 pour la région nîmoise. Une opération antiterroriste hier soir dans l'Essonne. Trois femmes décrites comme radicalisées ont été interpellées à Boussy-Saint-Antoine. La plus jeune d'entre elles, âgée de 19 ans, est la fille de la propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz et retrouvée à Paris le week-end dernier. Elle a blessé un policier d'un coup de couteau à l'épaule lors de l'intervention. Selon Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, les suspects préparaient des actions violentes et imminentes. François Hollande en route vers 2017, le chef de l'État a tenu un discours hier à Paris, toujours pas officiellement candidat à la présidentielle. Il a toutefois renoué avec des accents de campagne. François Hollande s'est posé en défenseur de l'état de droit face au terrorisme et n'a pas ménagé à ses attaques contre la droite et contre son meilleur ennemi Nicolas Sarkozy. Les naufragés de la nuit, 33 personnes dont un enfant ont passé la nuit bloqués dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc, soit à plus de 3500 mètres d'altitude. En cause un incident technique. Déjà 77 personnes ont été secourues depuis hier après-midi. Les opérations de secours doivent reprendre ce matin. Le football, Paris doit se rassurer à 4 jours de son premier match de Champions League. Le PSG accueille Saint-Etienne ce soir à 20h45 en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Le tennis, mon fils lui croit en ses chances. Le français jouera ce soir à 21h sa demi-finale de l'US Open. Il affrontera le numéro 1 mondial, le serbe Novak Djokovic. 7h passée de 4 minutes. Vous retrouvez Bruno dans la radio sur Fun jusqu'à 9h. Bonne fin de semaine. Bruno on Fun Radio. 7h05, vous écoutez Fun Radio. Bonjour. C'est vendredi, et le vendredi, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous. Tiens, et Fonf, qui réalise cette émission, oui. Petite question qui nous a été posée depuis la rentrée. Oui. Est-ce qu'on va relancer le bootleg du vendredi ? Je te prends de court. Oui, on va le relancer, mais en fait, on attendait le mois de septembre pour savoir si on y pensait. En octobre, on le relancera. Parce que le mois de septembre, en général, on a fait des tests et ils disent que c'est pas top. D'accord. Ils aiment pas trop les gens les bootlegs le mois de septembre. Boosty, Félix Jen, là, si vous arrivez dans la demi-heure, et on va essayer de vous trouver un petit remix à vous passer. On avait lancé ça l'année dernière. Moi, j'aimais bien le petit bootleg du vendredi. Faisait plaisir. Fonf, tu te débrouilles. On avait Lady Gaga ce matin déjà. Oui, alors. Mais il faisait pas plaisir, c'est vrai. Mais si, il faisait plaisir, mais c'était pas un bootleg, c'était une nouveauté. Bah ouais, mais ça compense. Non, ça compense pas. Éteins ton micro, ça va. Et prends pas la confiance non plus. C'est quoi, c'est Fonf dans la radio maintenant. C'est ça. Putain, ça sonne bien.

en apnée. Je capte pas, les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Bonjour la famille, aujourd'hui c'est vendredi, c'est Fun Radio, c'est Félix Jen. Ça va arriver là, dans moins d'un quart d'heure, Bonfire. Et puis ce matin, je veux lancer le premier Thug Life de l'année. Thug Life, qu'est-ce que c'est Thug Life? Va chier. On parle des gens, par exemple, ils vont au restaurant, d'abord ils mangent le plat, après ils mangent l'entrée. Même au restaurant, des fois, t'as vu, il y a des gens, on leur demande de prendre entrée, plat, dessert, ils demandent deux entrées, ils en ont rien à foutre. Thug Life du jour, les amis, il est parti de Christelle, c'est une fidèle de l'émission Globilule sur Twitter, qui a balancé une photo d'elle en train de bouffer une glace avec son chéri. Et en commentaire, elle avait mis « Attendre que les enfants soient couchés pour manger une glace. Hashtag Thug Life. Qu'est-ce qu'on a à foutre des enfants ? Ouais ! Eh ben, on a lancé ça l'année dernière, le côté Thug Life, c'est quoi ? C'est ce moment où vous avez l'impression d'être un rebelle. Mais un rebelle à que dalle, tu vois ce que je veux dire ? C'est un rebelle du pauvre, quoi. Rebelle du pauvre. Mais vous vous êtes dit, ok, tu vois, ça peut avoir plein d'exemples. Tu sors des toilettes, tu te laves pas les mains, Thug Life. Hein? Trouver une pièce qui est pas à toi dans la machine à café, qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes, Thug Life. Votre dernier moment de Thug, on en parle, 32-28. On fait de la radio ensemble, on va les enchaîner là, avant 7h30. Rebelle du pauvre. Voilà, t'as traversé en dehors des passages cloutés. Le passage clouté, t'es à 2 mètres, t'es passé à côté. Je vais te dire, la semaine dernière, je voulais appeler l'ascenseur, t'as vu. Sauf que le gars du dessus l'avait déjà appelé. Donc ok, je descends par les escaliers. Sauf qu'au deuxième étage, j'ai appuyé sur le bouton. Comme ça, le gars, lors de sa descente, avant d'arriver au rez-de-chaussée, il s'est arrêté au deuxième pour rien. Perds du temps, frère, au deuxième étage. Voilà. C'est comme ça. On va faire ça avant 7h30, j'ai hâte. Bruno, allô ? Paye vos factures. Il est adorable. Ah là là, le jour où on aura un contrôle antidopage à la fin de cette émission. C'est le seul truc qu'on n'a pas eu là pour l'instant de la part de nos concurrents, c'est le contrôle antidopage. Ben, quand on l'aura, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer. Analyse d'urine peut-être à la fin de l'émission. Bon, tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio, je paye de la facture. Et vous avez une facture à vous faire payer et hop, minute. J'allais couper la parole, vas-y, continue. Tu fais bien attention quand même. Vous avez une facture à vous faire payer, il suffit de l'envoyer. Et pour l'envoyer, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on le fait par mail, on la scanne, on l'envoie à facture@funradio.fr. Ça marche aussi par courrier si vous l'envoyez à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008, Paris. Et tous les jours, on paye des factures et ça fait rêver. Et je pense à Teddy, notre fermier qui est dans le Wisconsin à bord de sa moissonneuse batteuse et qui nous écoute tous les matins. Il doit trouver ça complètement dingue. Oh, it's so crazy, man. C'est tellement fou tous les jours. Quand j'écoute Fun Radio, il n'y a pas un jour où ils ne payent pas une facture. Je suis en train de fumer ma cigarette, Bénard, et je les entends, et les gens sont contents, ils gagnent. My dog is licking my ass. Et même mon chien. It's good times, bro, good times. Oh yeah. Même mon chien est heureux quand il entend ça. Alors. Good times, bro. Merci, Teddy. On a compris, on a bien l'image. Alors, on part du côté de Saint-Pierre-du-Mont. Allô ? Allô, Baptiste ? Oui. Ah, oui. Vous avez vu le changement de voix entre le allô et le oh merde, je sais qui c'est. Il a pas eu il a eu la voix de je décroche, c'est les impôts, et la voix de après, ah merde, c'est pas les impôts. Baptiste, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Ben, c'est Bruno. Eh ben voilà. Bravo. Bravo. Baptiste, Saint-Pierre-du-Mont, on est dans les Landes, hein, de mémoire. Exactement, juste à côté de Mont-de-Marsan. Tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge ? Je suis étudiant infirmier, j'ai 27 ans. D'accord, ok. Tu m'as envoyé une facture de 627,83 €. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ? C'est une facture, c'est pour un billet d'avion, pour un stage humanitaire, je sors au Vietnam. Wow. Enfin ! Classe. Stage humanitaire pour quelle association humanitaire ? C'est au sein d'une association de AMF, donc c'est une association locale là-bas. D'accord, ok. Et donc tu vas venir en aide aux populations locales. Dans un orphelinat, il y a l'hôpital là-bas. Oh putain, super, alors ça c'est super classe. Je suis vraiment content de te payer ce billet d'avion.

Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Gâteau ! Gâteau chocolat, citron, coco ! Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée ? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Château Fort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi ? Bruno dans la radio. 6h-9h. On arrête le compteur des SMS. Loosman, au niveau du standard, tu fais un petit tirage au sort, t'appuies sur la touche de l'ordinateur, c'est fait exprès. Pas de soucis. Et ben voilà, et on va vous appeler là juste avant 7h30 pour vous envoyer l'iPhone 7. Dans moins de 3 minutes sur Fun Radio, nous allons découvrir votre côté rebelle, votre côté thug. Il y en a plein qui sont en train d'arriver là sur Twitter. Il y a des barres de rire. Des barres de rire sur Anna qui dit ouais j'ai gratté la zone ne pas gratter du ticket à gratter, je suis trop une thug. Vous continuez, vous balancez vos messages hashtag Bruno Fun Radio, vous appelez le 3228. On en parle après Félix Jane tout de suite. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. The bitches lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Félix Jane, c'est le nouveau, découvert chez nous. Bonfire. Major Lazer, ça arrive là dans la demi-heure. Je vous annonce également le dernier Sigala. Et j'ai très envie, parce que c'est vendredi, de faire un battle du grenier. Je vous le dis, voilà, j'ai envie de vous ressortir un vieux son, mais un vieux vieux son. Je peux faire ça n'importe quand. Les matins. C'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Yeah. Attention. Vous êtes un rebelle de l'impossible. Vous avez l'impression d'être un foufou. On vous a ouvert la porte quand vous êtes arrivé ce matin au bureau. Vous n'avez pas dit merci. Ouais. Vous êtes un thug. Ouais, gros. Il y en a plein sur Twitter. Ah, il y en a des magiques. Ouais. Hashtag Bruno Fun Radio. Alors, et tu sais quoi? On en balance quelques-uns de Twitter et après, on en accueille à l'antenne. Il y a Chaudin qui dit « Wesh, quand je joue à Je prends ton nez avec mon neveu, eh ben, je lui rends pas son nez bah, !» Ouais, il y a Sage Chris qui dit voir un Roucool sur Pokémon Go et pas le capturer. Bra, mais tu sais quoi, je l'ai fait hier encore. Ah ouais. J'en peux plus des Roucools. Ils allaient bien se faire foutre. Il y en a un qui me tue de rire. Il y a Franklin la tortue. Ouais. Savez, donc comme le dessin animé qui fait l'autre jour, j'ai pas compté 2x2 mais 3x3. On est des ouf les tortues. Thug Life. Il y a Loïs qui dit j'ai fini de purger ma peine en zonce, frère. Au lieu de dire C8 pour la nouvelle chaîne, je dis toujours D8. Rien à foutre de loin, rien à foutre des titres de chaîne. Kevin, il est à Metz. Salut Kevin. Salut Renaud, salut la famille. Salut. Vas-y mon pote. Alors moi j'ai marché dans la pelouse alors qu'il y a une grosse pancarte plus interdite. Blablabla. Tu vas aller en zonze, frère. On t'embrasse, Kevin. Bénédicte, 20 ans à Nanterre. Salut Bruno, salut l'équipe. Salut frère. Salut Bénédicte, on t'écoute. Alors moi, mon mec il m'a demandé de m'épiler et je l'ai pas fait. Thug Life. Couche avec Chewbacca. Couche avec Chewbacca. T'as pas le choix. Couche avec Chewbacca. Tranquille. On t'embrasse Bénédicte. Céline, 26 ans, elle est à Lyon. Bonjour Céline. Salut Bruno, salut la famille. Salut. T'écoute ma chérie. Alors moi j'ai regardé le replay de Blacklist alors que j'avais promis à mon mari de le regarder avec lui. Oh, ça se fait hop ça frère. Tu peux tellement le spoiler frère. On t'embrasse Céline. Philippine, 18 ans à Belfort. Salut Philippine. Salut la famille. Salut. Salut frère. Moi j'ai pas mis de point à la fin de ma rédaction. Thug Life. Et la phrase reste suspendue à tout jamais, sans ponctuation. Oh, j'adore. Bra, bra, bra, bra. On t'embrasse, Philippine. Bisous, bisous. Bisous, mes chers. Et vous êtes forts. Et franchement, vous me tuez de rire. Hashtag Bruno Fun Radio, il y en a plein là qui arrivent sur Twitter. Non, mais moi, la dernière fois, Bruno, il y avait ma meuf à la maison, tu vois. J'étais dans le salon, et vu qu'elle est partie dans la cuisine, elle était un peu loin. J'ai lâché une grosse bourre. Bra! Crado Live! Ça fait pareil. Il y a Chaudin qui vient d'en envoyer, on va faire là-dessus, qui dit The Zozote dans la vie, et même dans mes tweets, j'en ai rien à faire, et zut. Et il signe The Glide. Ah, vous êtes drôle. Bon, allez, on va vous appeler là pour vous offrir l'iPhone 7. Alors, j'avais dit que je le ferais avant 7h30. On a pris du temps avec les thugs, on va le faire juste après les infos. Mais du coup, s'il y a des gens qui prennent le taf à 7h30, on pourrait se dire que. Donc, même si c'est un répondeur, on offre sur le répondeur. D'accord, on fait comme ça? Yes. Bra. Alors qu'on m'avait dit de pas le faire. Mais ouais, Thug Life. Direction de Fun Radio, t'as vu Thug Life. Mais Patron, il est quand même super sympa quand même. Allez, à tout de suite. Diplo. DJ Snake. Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez le double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus près d'un appel. Électro dépôt. Quand c'est pas cher, on entend. À ce prix-là, c'est louche. Chez Electro Dépôt, c'est plutôt. Alors là, j'achète. Chez Electro Dépôt, nous négocions des stocks énormes pour vous proposer des prix bas tous les jours. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Electro-Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Avec Lucas, l'attaquant de l'équipe. Oui, et ses chaussures de football Puma EvoSpeed. Avec leurs crampons coniques, elles adhèrent parfaitement au gazon. Ah, Lucas est aussi vif qu'une panthère, il traverse la défense, tire. Quel but! Le stade rugit de bonheur. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les chaussures de football adultes EvoSpeed de Puma à 31,99€ au lieu de 49,99€, soit 35% de remise. Décathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? La paumé, paumé, paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,99€. Moins de 2 euros le filet de 2,5 kg? Oui, et origine France, patron. Hein. Ça fait 80 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui, ça va, j'ai compris. Je suis mal. On est mal, patron. On. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55, variété Annabelle ou Marilyn selon magasin, origine France. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le lave-linge Hublot 9 kg Beko est à moins 50%. Oui, 299,99€ au lieu de 599€. But, c'est nous. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Tous à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Bougez pas, Bruno. Il y a Mélissa qui m'a écrit à bruno@funradio.fr. Elle a 12 ans, elle veut faire passer un message à son frère qu'on a 14. Elle veut lui demander d'être là comme un grand frère et de lâcher un peu les jeux vidéo. C'est beau comme message. Oui, comme un grand frère. Ouais, un grand frère, et après on s'arrêtera dans une bonne auberge. Ça arrive là juste après les infos sur Fun Radio. Fun Radio, le son Fla. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 9 septembre. Maxime Poulaouec est là, les amis, pour être partout ailleurs. Il pourrait profiter de la vie, Maxime Poulaouec. Ben, il vient à Fun Radio, il fait les infos. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ben oui. Bra! Thug Life Poulaouec! Il paraît que Poulaouec, tout à l'heure, dans son flash, il a menti sur le bulletin météo. Bien sûr. Il a donné un degré de plus. Voilà. Bra, bra, bra! Il devait citer Besançon, il l'a pas dit. Yeah, gros. Il va aller 11-11 à la fin de son flash. Tranquille. Bon, allez, Max, on commence avec la météo. Ouais, du soleil quasiment partout aujourd'hui. Juste des nuages, un peu de pluie pour la pointe du Finistère et pour le Pays Basque. Les températures cet après-midi, 20 degrés à Brest, 24 à Lille, 25 à Reims, 26 degrés pour Paris, jusqu'à 33 degrés dans le sud à Nîmes. Elle préparait de nouvelles actions violentes et imminentes. Trois femmes âgées de 19 à 39 ans ont été interpellées hier soir à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Elle serait radicalisée. Un policier a été blessé à l'épaule par un coup de couteau. La plus jeune est la conductrice de la voiture abandonnée avec des bonbonnes de gaz en plein Paris. Les opérations de secours reprennent. 33 touristes sont bloqués depuis hier après-midi dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc, soit plus de 3500 mètres d'altitude en cause d'un incident technique. Amazon recrute. Le géant américain de la distribution en ligne va recruter 450 personnes en CDI d'ici la fin de l'année dans l'Hexagone. Cela portera à 1000 le nombre de postes créés par l'entreprise en France en 2016. Les postes seront créés dans le Loiret, le Nord, la Drôme et la Saône-et-Loire. En football, c'est le début de la quatrième journée de Ligue 1 ce soir. On suivra à 20h45 le PSG qui va affronter Saint-Etienne. Les Verts tenteront d'infliger un deuxième revers de suite aux hommes d'Unai Emery. Ils avaient perdu face à Monaco il y a deux semaines. Le PSG qui également jouera un match de Ligue des Champions mardi prochain contre Arsenal. Le tennis, Gaël Monfils entre en lice ce soir en demi-finale de l'US Open. Le Français devra battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic pour accéder à la finale. 7h35, vous êtes sur Fun Radio. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. Bonjour la famille, vous écoutez Fun Radio. Major Lazer arrive. La chanson du jour dans quelques secondes, mais pour l'instant, j'ai un coup de fil à passer. Vous avez envoyé Bruno par SMS, que vous soyez en Belgique ou en France. Je vous appelle maintenant pour vous offrir un iPhone 7, puisque nous avons tiré un numéro de téléphone au sort. Allô ? Ah bah putain, ouais, donc là, la personne est collée à son téléphone. Allô ? Allô ? Allô, oui ? Ça a raccroché ! Oh, le rappel. Bien sûr, on rappelle. Luzman, il me fait signe, on rappelle. Non. C'est quoi ? On va être des thugs, on va pas le rappeler, on va appeler quelqu'un d'autre. Bra, bra, bra ! Ça se trouve, dans la panique, il a raccroché sans faire exprès. Ouais, il a pas compris. Par contre, si là, il nous reprend pas, ça veut dire qu'on le fait chier, il veut pas nous parler. Ah oui, ça compte pas. Allô ? Allô, oui ? Oui, ah, bonjour, oui. Comment tu t'appelles ? Rémi. Bonjour Rémi, t'es en direct sur Fun Radio. Je okay, m'appelle Bruno bien. Guillon et je t'offre un iPhone 7 et puis voilà, c'est tout. Bravo. Une blague. C'est pas possible. Bah si. Et si. Non, c'est pas possible, t'as raison, il est pas sorti, on fait ça, c'est que de l'enfume. Non. Bon Rémi, je ne sais rien de toi et je n'ai qu'un numéro de téléphone, donc je ne sais pas où j'appelle. Tu habites où ? Eh ben, t'appelles à Meursault, en Côte d'Or. Très bien. Et du bon vin. Oui, je connais. Et donc moi je suis imprimeur, je suis en train de faire des étiquettes de vin, donc voilà, je vous écoute en même temps tous les matins. T'as quel âge ? Donc, ça me met bien la pêche. J'ai 45. 45 ans, mais oh, on s'en fout, vraiment. Ouais. Rémi, alors l'iPhone 7, il va sortir le 16 septembre. Le 16 septembre, toi tu vas le recevoir chez toi par Chronopost, d'accord ? C'est le 32 Go qu'on t'offre, il vaut 769€, d'accord mon poteau ? Eh ben c'est incroyable, c'est génial, merci bien. On t'embrasse ? Ok, ben moi aussi. Et on va te refiler l'adresse de la radio pour le Meursault. Moi je crache pas tout. Il n'y a pas de problème, les vendanges, on va attaquer bientôt. Donc, on t'embrasse Rémi. Ciao, ciao. Eh ben, je vous remercie. Salut Bruno. Au revoir la famille. Bisous. Salut. On en a d'autres à filer la semaine prochaine ? Oui, toute la semaine prochaine. De lundi jusqu'à vendredi. De lundi jusqu'au vendredi. Oui. On a plein d'iPhone à filer. Mmh. Il faut envoyer un SMS au 74900. C'est ringard. Ah ouais. Allez, chanson du jour. On a comme un petit problème. Oh. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. Chanson du vendredi, faites sonner le clairon pour Mélissa. Bonjour Mélissa. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou ma belle. On est en Haute-Loire, à Cussac sur Loire. Mélissa, tu as 12 ans. Oui. Quelle classe ? Je suis en 4e. Tu rentres en quoi là ce matin ? Bah 4e. Non mais ça je sais, mais en quel cours ? En maths. Oh là là, ils sont bêtes ces enfants, ils comprennent jamais les questions. Attaqué par les maths le vendredi. Ouais, c'est chaud. Putain, c'est chaud, ouais, je te confirme. Mélissa, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Tu m'expliques que tu es issue d'une famille recomposée, que toi et ton frère Anthony, vous avez fait la connaissance de vos demi-sœurs et demi-frères, Maureen et Silver, le 11 janvier dernier, et que depuis le mois de mars dernier, vous habitez ensemble. Toi, t'es devenue très très proche, voire fusionnelle, avec ta demi-sœur. C'est top quand ça se passe comme ça, en plus vous avez le même âge, c'est ça hein ? Oui. Mais il y a un souci avec ton grand frère, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, il a un ordi depuis qu'il a 8 ans et depuis, il me laisse de plus en plus de côté et du coup, ça m'énerve un peu et voilà. Et t'as essayé de lui en parler déjà ? Ben, j'arrive pas parce que, après, je sais qu'il va s'énerver et du coup, voilà. Ouais. Bah 12 ans c'est dur. Mais tu sais, à 14 ans, on n'a pas forcément la conscience de l'importance qu'on a quand on est un grand frère. Et on commence à l'avoir après, quand sa sœur grandit, on se dit ah ouais. Bah... Et c'est important. Moi, tu sais quoi, c'est pour ça que j'ai sélectionné ton message. Je trouvais que c'était important de parler de ça. Non, mais surtout à 12 ans, prendre cette initiative, moi, ça m'épate, franchement. Ouais, parce que tu m'as mis dans le mail, tu lui proposes régulièrement de faire des trucs avec toi, de jouer, genre des jeux de société, du foot. Et il dit ouais, 5 minutes, je finis ma partie. Et puis 5 minutes plus tard, il veut toujours pas. T'as pas osé lui en parler, tu me dis qu'il est agressif. On va le détendre vite fait, ton frère, on lui fait passer le message et on en parle ensemble dans 2 minutes. D'accord ? D'accord. Mélissa, ne bouge pas. Nous l'avons en attente. Il ne sait pas qu'il va arriver sur Fun Radio. Anthony est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, bonjour. Je m'appelle Bruno Guillon. Oui. Et t'es en direct sur Fun Radio. De quoi ? T'es en direct sur Fun Radio. Ah bon ? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Anthony, si t'es là ce matin, c'est que j'ai un message à te faire passer. C'est une chanson que je vais te faire écouter, d'accord ? D'accord. J'ai envie que t'écoutes les paroles parce qu'on a changé les paroles de cette chanson. C'est un message qu'on t'envoie de la part de ta sœur Mélissa. Ok. T'écoutes les paroles, on en parle après ? D'accord. C'est parti. Si Si ce matin on t'appelle mon petit Anthony, c'est que ta sœur Mélissa, elle a un souci. Tu ne la calcules plus du tout et ça fait chier, vu que tu es tout le temps fourré sur ton PC. Car elle pense que tu joues beaucoup trop aux jeux vidéo. Elle a l'impression d'avoir perdu son alter ego. Comment t'expliquer si tu ne comprends pas ce mot? C'est un peu comme si Luigi ne jouait plus du tout avec Mario. Comme si tu passais ton temps à regarder ton pote sans qu'il te l'ait jamais joué à sa PS4. Comme si personne t'invitait à une partie multijoueur et que donc tu restais tout seul à jouer à Counter-Strike. Elle aimerait bien que tu lui accordes plus d'attention. Elle aimerait bien que tu joues plus avec elle à la maison. Elle aimerait bien, ça lui ferait plaisir, alors on compte sur toi. Elle aimerait bien, alors Anthony, nous déçois pas. Anthony, est-ce que tu as compris le message? Oui, j'ai compris le message. Et tu sais, c'est important d'être un grand frère. Oui, oui, je sais. T'as 14 ans aujourd'hui, ça te fait marrer, mais quand on aura 20, elle en aura 18, puis elle aura besoin que tu l'aides sûrement, donc c'est bien de commencer maintenant, non? Oui, mais je dis pas le contraire. Mais dis-lui, elle est avec toi, Mélissa, t'es en direct avec ton frère. Allô? Allô? Me tue pas, ok? Non, je vais pas te tuer parce que, mais bon, enfin, c'est que, il y a des moments, je fais des efforts et quand je les fais, les efforts, généralement, ça me tombe sur la gueule. Donc, après, au bout d'un moment. Mais quand tu fais des efforts, après, c'est pas, t'en fais pas assez parce que. Bah, je l'ai fait, ils sont pas récompensés. Tu veux un truc que tu veux pas. Bon, vous êtes trop mignons. Ouais, vous savez quoi. En plus. Moi, j'adore ce genre de phase. C'est l'âge où tu t'engueules un peu plus facilement, mais dans quelques années, ça va s'arranger. Moi, c'était comme ça avec ma sœur. Après, maintenant, on s'entend super bien. On sort ensemble, même, je peux le dire. Anthony, Anthony, tu l'aimes, ta sœur? Bah oui. Eh ben, dis-lui. Je t'aime, Mélissa. Voilà. Allez. Mignon. Soyez heureux tous les deux. Mélissa, je t'embrasse. Merci. Bisous, ben voilà. Ma chérie. Un jour, ils feront des enfants. Arrête. Pardon. Allez, vous restez sur Fun Radio. On revient après ça. Ça faisait plaisir ce moment. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui, il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Electro Dépôt. Fini la galère des sacs d'aspirateurs. Chez Electro Dépôt, l'aspirateur sans sac Exoline CycloClean 2 est à 49,98€. 49,98€ et garantie 2 ans. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 50 centimes. Électro-dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. I love you, Fun Radio. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Snapchat, avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio, le son dance floor. Let's go. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. So hard to think about what we could have been. where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. 'Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. De pom-pom girls. Bruno dans la radio. Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Oh, j'étais content de ce moment qu'on a vécu là il y a à peine 5 minutes avec Mélissa et Anthony. Elle a c'était appelé beau. Son frère pour lui dire occupe-toi plus de moi. Il lui a dit je t'aime. Moi j'aime bien le bonheur. Et c'est oui, quoi oui. Je peux enchaîner directement sur un moment happy si vous ne me retenez pas. Ah vas-y. Personne ne me retient. Non. Moi je veux. Bah, c'est quoi, on va sur un moment happy dans 2 secondes. J'ai promis quelque chose. Oui, c'est quoi ? J'ai attaqué l'émission tout à l'heure à 7h du matin. J'ai dit, on n'a pas fait de bootleg du vendredi. Il y a des auditeurs qui m'ont fait remarquer avec le hashtag Bruno Fun Radio. Il n'y a pas eu de bootleg vendredi dernier. L'année dernière, vous mettiez des bootlegs, c'était bien, etc. Qu'à cela ne tienne. Alors, attention. Il est violent. Alors, attention, les amis. Je vous ai trouvé un bootleg. Je vais vous le mettre avant 8h30. Si vous avez du mal à attaquer cette journée, là, vous allez l'attaquer, mais vite. Ah, il réveille. Ouais. C'est un extrait, vous avez reconnu Justin Timberlake, d'accord. Et après, bon, ça accélère un peu. Hein. Voilà, c'est vraiment du bootleg. Ah oui, non, mais c'est une petite claque aujourd'hui. Et oh, oh putain, c'est vendredi. Donc le vendredi, on marque le coup, s'il te plaît. Allez, moment happy. Magali est à Montauban. Montauban, c'est dans le 82. On part dans le département du Tarn-et-Garonne. Bonjour Magali. Bonjour la famille. Bonjour. Salut. Moment happy, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où un auditeur de Fun Radio partage avec nous un moment de bonheur. Et je veux que le bonheur soit contagieux. Apprenons un peu à nous réjouir du bonheur des autres pour être heureux nous aussi l'espace de quelques secondes. Magali, ton moment happy ce matin, c'est un rapport avec toi et une copine en fait. Tu peux nous expliquer ? Oui, alors on a réussi, ça fait un moment que ça nous tentait, on a réussi à boucler le budget pour partir faire le Cap Féminin, un rallye solidaire, au Maroc. Comment ça s'appelle, le camping ? Le Cap Féminin. Cap Féminin ? Ah, d'accord. C'est une course, c'est ça ? Ouais, c'est comme le rallye Aïcha des Gazelles. D'accord, ok. D'accord. Alors attends, parce que le rallye Aïcha des Gazelles, c'est une course à pied à travers le désert marocain, c'est ça? 4x4, un 4x4. Ah oui, un rallye, c'est la voiture. Ouais. Boum, ouais. Boum. Alors, tu peux faire des rallyes à pied. Hein. Bah, comment tu fais avec un moteur dans les fesses? Et donc, alors, ça va se passer de quand à quand, Magali? Du 5 au 15 octobre. Du 5 au 15 octobre. Putain. Ouais. Et donc, vous avez les sponsors, vous avez tout ce qu'il faut? C'est ça. Il nous manque un petit peu, mais sinon, on a vraiment tous les sponsors. C'est vraiment génial, quoi. Eh ben, écoute, ça va être une vraie expérience de vie. Vous avez combien de kilomètres à faire pour le Cap Femina? En tout, on en a 5000, parce qu'on part d'Avignon, on longe vraiment toute la côte et on a des étapes là-bas, donc il y a de quoi faire. Moi déjà, quand je fais 150 bornes pour aller à Walibi, ça me pète les ronds. Je pourrais jamais faire ça. Ça me pète les ronds. D'accord. Magali, je veux t'entendre crier « Je suis heureuse !» Je suis heureuse. Et moi, c'est de l'autoroute, hein. C'est pas du chemin dans les montagnes, là. Ça me pète les ronds. J'adore cette expression. Vous aimez bien la voiture? Mais est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans ce débat là maintenant? En fait, dès que tu clôt un sujet, Elliot il arrive et il rouvre comme ça. Elliot, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce qui se passe là, on est très bien entre nous, on s'entend bien, on est des amis dans la vraie vie. Ouais. Je crois que les auditeurs de Fun Radio l'entendent, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que justement Fun Radio est une radio avec des auditeurs. Mais si... Il y en a 2 millions. Oui. Donc si tu veux qu'on parte dans une discussion, vous aimez bien la voiture, le mec qui nous écoute là en ce moment, il a envie de te dire, mais mec, ferme ta gueule, mets Major Lazer. Et du coup, tu sais quoi? C'est ce qu'il y a de mieux à faire, on écoute. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Sur Fun Radio. Cigala le nouveau, c'est Give Me Your Love. Why don't you give me your love? Il arrive là sur Fun après le JPI. News, le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui on fête les Homères. Whoopinaise! Et pour rapidité, commencer... merci Elliot, hein, toujours du tac au tac derrière, hein, ça part. Ouais, ça... Et c'est trop tard là, Elliot. Cinéma, Franck Dubosc dément l'information selon laquelle il est en train de préparer un camping 4. Bah du coup, non, on n'attend plus Patrick.

Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma ? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres Artiste Rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs ? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le radiateur inertie céramique NF 1000 watts est à seulement 69,90€. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre limitée à 1675 radiateurs à partir du 9 septembre 2016. Existe en 1500 et 2000 watts. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe. Retrouvez encore plus de choix en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Bougez pas, Bruno. 8h du matin, vous écoutez Fun Radio, bienvenue la famille. Tout à l'heure à 8h30, il y aura le jeu des 30 secondes pour repartir avec un overboard. Le gagnant du moment, le champion, c'est Mika du JPI. Qui va le battre dans l'équipe ? Réponse tout à l'heure, 8h30. Fun Radio, Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi 9 septembre, c'est Maxime Poulaouec pour les news. Salut Max. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo de ce vendredi 9 septembre. Un temps ensoleillé quasiment partout, juste quelques nuages et des averses sur la pointe de la Bretagne et sur les Pyrénées. Comptez 10 à 15 degrés au lever du jour, mais toujours 23 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, il fera 20 à Brest, 22 à Dunkerque, 26 à Paris et Bordeaux, 27 degrés pour Orléans, 29 à Lyon et 33 à Nîmes. Un attentat évité de justesse. Trois femmes radicalisées, fanatisées ont été interpellées hier soir à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, elles préparaient de nouvelles actions violentes et imminentes. Un policier a été blessé par un coup de couteau à l'épaule pendant l'intervention par la plus jeune, âgée de 19 ans. C'est elle qui avait garé la voiture remplie de bonbonnes de gaz en plein Paris le week-end dernier. Bloqué toute la nuit dans des œufs à 3500 mètres d'altitude, 33 touristes sont coincés dans des télécabines depuis hier 15h40 à cause d'un incident technique. Ils ont passé la nuit avec des couvertures de survie par seulement 5 degrés. On apprend à l'instant que le système est remis en route. Vers une baisse des impôts pour 2017, l'annonce du gouvernement est attendue aujourd'hui. Le geste sera ciblé sur les classes moyennes et devrait prendre la forme d'une baisse forfaitaire de l'impôt sur le revenu. Il sera limité au vu du budget dont dispose Bercy. En football, début de la quatrième journée de Ligue 1 ce soir, PSG contre Saint-Etienne, coup d'envoi à 20h45 au Parc des Princes. Paris tentera de faire oublier sa défaite d'il y a deux semaines à Monaco à seulement 4 jours de son premier match de Champions League face à Arsenal. Le tennis, lui, mon fils, croit en ses chances. Le Français jouera ce soir à 21h sa demi-finale à l'US Open de New York. Il affrontera le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. En double féminin, la paire française Garcia Mladenovic a obtenu cette nuit son ticket pour la finale. 8h05, vous êtes sur Fun Radio, merci. Bruno dans la radio continue jusqu'à 9h. Bon réveil. Vendredi, c'est le 9 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h05, bonjour ! Bonjour ! Oh putain, c'est vendredi ! Et le vendredi, cette émission vous permet d'attaquer de plein pied le week-end. Et là, je peux vous dire que ce matin, on vous a prévu un truc, vous l'avez pas vu venir. Vous allez vous prendre une petite claquette derrière les oreilles, les copains. Ça, vous allez dire, oh bah c'est bon. Oh bah c'est le tube de l'été, je connais par cœur. Les amis, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio vous customise les titres. Le vendredi, c'est bootleg. Et celui-ci, il tape. Voilà, je vous le dis. Là, vous allez partir, vous allez vous dire, dis donc, j'avais pas prévu hein, de me prendre ce son dans la gueule. On va vous le passer là, avant 9h. Il y aura Sopra aussi. 8h10, je paye de la facture. 8h30, jeu des 30 secondes, c'est Mika du JPI qui est le champion. Qui va le battre? Réponse tout à l'heure. Christina est là ce matin. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour messieurs, dames. Il y a Elliot. Bonjour, bonjour tout le monde. Et avec Christina, Vaché et Elliot, nous allons faire un truc qui est extrêmement simple. Nous allons nous inscrire sur un lien que je vais vous mettre sur la page Facebook de l'émission. Nous allons nous inscrire en tant que donneur. Je vous explique pourquoi. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Adam, d'accord ? Qui est le papa de trois enfants. Il a 31 ans. Un papa qui est extraordinaire et il a chopé une saloperie qui s'appelle la myélofibrose. D'accord ? C'est un cancer du sang. Je vous parle de ça pourquoi ? Parce que je m'occupe d'une association qui aide les enfants malades du cancer et puis on s'occupe également des proches. La myélofibrose, ça pourrait se soigner s'il avait une greffe de moelle osseuse. On est 60 millions de Français, on est plusieurs milliards dans le monde entier et les gens ne savent pas que juste avec un test salivaire, on peut savoir si on est compatible avec quelqu'un et sauver une vie. Ouais. Ça prend 5 minutes, c'est un truc de ouf, hein, vraiment. C'est juste un test avec la salive à faire. Voilà, alors, exactement. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de dire faut donner de l'argent, etc. Parce que c'est vrai qu'on est souvent en train de demander aux gens des choses, etc. Là, c'est juste s'inscrire sur un site et on fait un test avec un coton-tige qu'on te met dans la bouche et on te dit voilà, c'est compatible ou pas. Pour faire un don de moelle osseuse et sauver la vie, c'est pour Adam, voilà, qui est un pote, mais il y a 14 000 autres personnes qui sont touchées par cette saloperie. Vous prenez 5 minutes de votre temps et vous pouvez sauver une vie. C'est rien, vraiment. Je vous le dis, je l'ai fait l'année dernière, moi, je me suis inscrit. Et donc, c'est soit un test salivaire. Moi, j'ai fait une prise de sang, mais bon, au pire, voilà, une prise de sang, ça fait pas mal, c'est que dalle. Ouais. Et il y a des gens qui ont peur en se disant oui, mais on va me prendre ma moelle osseuse, ça fait super mal, etc. Il faut savoir qu'ils t'appellent et qu'ils prennent ta moelle osseuse que s'ils ont trouvé quelqu'un de compatible. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis je vais sauver une vie, forcément, t'en as rien à foutre qu'on te fasse mal ou que ceci, cela. Surtout qu'en plus, c'est pas douloureux, vraiment. Non, t'es hyper bien assisté de toute façon, mais voilà, tu sais que quand tu le fais, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a quelqu'un derrière, quoi. Prenez 5 minutes de votre temps. Voilà, on va vous mettre votre lien, le lien sur la page facebook.com/Bruno dans la radio, qu'on puisse sauver la vie de ce gars qui est père de trois enfants qui s'appelle Adam, qu'on embrasse. Il y a un hashtag qui s'appelle Hope for Adam avec le chiffre 4 qui a été lancé. Et puis surtout, ça peut venir en aide aux 14 autres 1000 personnes et vous aurez la fierté d'avoir fait une belle action. Ouais. Et vous savez quoi, je vous aime rien que pour ça. Voilà, j'ai envie de vous le dire. Nous, on va le faire. Et donc, on vous met le lien sur la page Facebook. Même moi, à chaque fois, personne ne veut mes organes, genre mon foie, mes trucs. Parce non, que alors. Ouais, non, mais là, non. Ce qui est bien avec la moelle osseuse, c'est qu'au moins. C'est vrai. Elle est ça, intacte. C'est préservé. Ouais, genre, même avec l'alcool que je bois ou si je glande toute la journée, ma moelle osseuse, elle est bonne. Tout va bien. On vous met le lien sur la page Facebook, la famille. Allez, c'est l'heure de brioche ou croissant. Ce matin, c'est Norbert Tarrer qui doit faire un choix. Norbert de Top Chef, on écoute. Brioche ou croissant ? Go ! Croissant. Et j'adore l'ouvrir en deux, mettre un tout petit peu de beurre, même si je sais que déjà c'est beurré, mais un beurre de Nicelle et une petite confiture de framboise, de fraise ou d'abricot. Bière brune ou bière blonde ? Alors quand j'ai faim, je bois de la brune. Quand j'ai soif, je bois de la blonde. Chant ou silence, sous la douche ? J'ai toujours rêvé de chanter. Ça, c'est un de mes prochains projets, je pense. Dans le temps, j'irai me casser les dents sur la chanson, mais j'irai le faire. Chant. Brosse à dents manuelle ou électrique ? Brosse à dents électrique, ça fait maintenant 6 ans que j'ai une brosse à dents électrique. Poker ou belote ? Poker. Œuf au plat ou œuf à la coque ? J'aime quand le jaune est chaud et coulant et que l'œuf au plat, c'est magnifique parce qu'on peut avoir des petites dentelles sur le blanc, donc c'est caramélisé. Faut aller l'œuf au plat. Boulangerie ou boucherie ? Ça me pince le cœur, mais boulangerie, ça se joue à une côte de bœuf. Câlin dans la lumière ou dans le noir ? Alors ça dépend, si j'ai une brioche, ça sera dans le noir. Si je perds ma brioche et que je suis au croissant, je me mettrai à la lumière. Moi, je l'aime bien, Norbert. Ah, je l'adore. D'ailleurs, c'est la troisième saison de Norbert Commis d'Office qui va commencer le 16 septembre sur Sister. C'est le truc, quand il arrive chez toi, t'as rien à bouffer dans ton frigo. Et lui, ouais, avec ce que t'as rien à bouffer, non, il te fait un truc. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est Norbert et Jean le défi. Norbert Commis d'Office, c'est imagine moi, Elliot, qui fait très mal la cuisine. Je suis persuadé de faire une super tartiflette. Ah oui, j'ai vu. Et le problème, c'est que je mets 1000 tonnes de fromage et 1000 tonnes d'huile. Et lui, il t'explique comment bien faire le délire. Exactement. Ouais, ça, ici, j'ai vu ça. J'aime bien Norbert, c'est un chic type. Vraiment. 8h10, je paye de la facture après Soprano, c'est en feu, là tout de suite sur Fun Radio. Puis alors je suis tombé sur une info, les amis, on va parler de cinéma avant 8h30, vous allez comprendre, à tout de suite. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller ce soir. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Avec les parodies qu'on fait le matin sur Fun Radio, c'est que je n'entends plus le nouveau titre de Soprano, j'entends Chion Rienche. Je vous jure, c'est compliqué. Hein. Bon, Nicole Pervers n'est pas venu ce matin, il n'est pas à l'abri de revenir la semaine prochaine. Je préfère vous prévenir. Soprano, à l'instant, sur Fun Radio. Richard Olinsky, vous avez découvert ça chez nous, c'est bien. Earth Beat, écoutez ce son. Redis-le le titre. Earth Beat. Et enlève le Earth maintenant. Beat. Ah, c'était un fantasme de gamin. C'est bon. Merci beaucoup. Quel gamin. Les amis, je suis tombé sur une info qui est ouf. Il y a l'armée américaine qui a fait une conférence là, il n'y a pas très longtemps. C'était la semaine dernière, en fait, pour tout vous dire. Un général de l'armée qui a déclaré qu'il était persuadé qu'à l'avenir, comme dans le film Terminator, les robots vont tout contrôler. Car on leur donne de plus en plus de responsabilités afin d'éviter les erreurs humaines. Et il demande à tout soit fait, à ce que tout soit fait pour que ça n'arrive pas, car selon lui, il serait impossible de garantir une certaine morale de la part de machines à l'intelligence artificielle, comme dans Terminator. Oh là là, c'est-à-dire qu'à un moment, les machines deviennent plus intelligentes que l'être humain, et du coup, prennent le dessus et deviennent maîtres du monde. Alors, si ma mémoire est bonne, dans Terminator, ça se passe en 2020, tout ouais, ça. Ouais, c'est dans pas longtemps. Hein. Non. Dans 4 ans, Skynet. Mais cela dit, moi, je... Voilà, alors ça, c'est un peu flippant. Ouais. Mais s'il y avait des trucs de cinéma qui arrivaient dans la vraie vie, il y a des trucs qui seraient des bons délires. Ah, moi, j'ai vu Star Trek, le dernier qui est sorti là, il y a quelques semaines. Dans Star Trek, il y a quand même des villes dans l'espace, quoi. Il y a des stations où tu peux vivre. C'est génial, non? Sur des planètes reconstituées et tout. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues dans des films et vous pensez qu'un jour ça va arriver? Ou des choses qui, ça paraît complètement barré, mais vous aimeriez bien quand même que ça arrive. Ah, moi, je suis sûr qu'ils vont réussir à faire comme dans Jurassic Park, genre pour les dinosaures avec l'ADN, machin. C'est obligé qu'ils arrivent à refaire ça un jour. Tu crois ? Ouais, ce sera super, quoi. Non, mais moi, ce dont je rêve, c'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Ah ouais, ça, ah ouais. Mais ça, comment tu veux faire ? Bah, je sais pas, tu sais, avec des trucs genre des nanos ou les trucs, les ions ou les bions. Ouais, c'est comme le Seigneur des nanos. Sans vouloir te vexer, Léo, toi, il te faut un drap d'invisibilité. Bah ouais, sans vouloir te vexer. Vous savez quoi ? Partons dans des délires. Voilà, les trucs que vous aimeriez bien qui existent dans la vraie vie, ça existe au cinéma. Vous pensez que ça va arriver un jour ou vous aimeriez que ça arrive un jour ? On fait de la radio ensemble. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures avec Sam, le conducteur désigné. Je peux vous dire que bête de vanne. Elle est arrivée, tu sais, hop, fin du game. Ouais. J'adore parce que Elliot derrière il continue et moi je suis ouvert à ça, j'ai envie qu'il me clash. Il n'arrive pas à finir ses phrases. Toi tu sais ce qu'il te faut, toi-même tu sais. Il te manque, c'est la répartie. Une perruque parce que t'es chauve. Merci. Allez, bam. Christina, c'est une semaine spéciale, les factures de 8h10, on les paye avec la sécurité routière. Oui, toute la semaine on a récompensé les SAM. Vous avez été SAM cet été, vous avez ramené vos amis ou votre famille. T'es pas SAM là, t'es complètement bourré. T'es pas SAM là aujourd'hui. Là. C'est pas toi qui conduis l'émission. Vous avez ramené vos. On vous a récompensé en payant vos. Bah, vous savez quoi, je vais l'annoncer. Vous avez fait SAM cet été, et bien là cette semaine nous payons vos factures. Par exemple, vous avez hébergé des potes à l'hôtel, vous avez payé les chambres, on paye les chambres. Vous avez payé l'essence pour amener vos potes en voiture, en boîte et les ramener. On paye ces factures d'essence et on fait ça toute la semaine. Mais c'est fini Bruno, parce qu'on est vendredi. Mais oui, c'est la semaine prochaine, on paye des factures normales. Vous les envoyez factures@funradio.fr. Tu es gênante là, arrête. Allô Grégory ? Oui. Comment ça va petit ? Ça va, c'est qui ? Ah oui, j'ai compris. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Putain, c'est Bruno ! Grégory, génial. Je sais que des fois vous essayez de faire genre je joue la comédie. Ça se sent. Si tu sais que c'est nous, dis-le tout de suite. Hein. Fais pas genre, oh tiens, c'est qui ? Non, je sais pas qui c'était. J'ai l'impression de voir Laetitia Milou hier sur TF1. Grégory ! Et tu clashes ? Non, du tout. Grégory ! Oui. Tu m'as envoyé une facture ? Oui. De 720 euros. Oh. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît ? Eh bien, on est parti en boîte avec des potes. Et comme personne ne voulait faire SAM, eh ben j'ai loué un bus en fait. Donc le bus nous a pris chez nous, nous a amené en boîte et nous a ramené. Le truc c'est que en boîte, l'argent du bus, on a tout dépensé. Donc il y a plus de thunes pour payer le bus. Donc j'ai envoyé ma facture à Fun Radio et il y a Bruno qui m'appelle pour la payer. Donc c'est top. Mais attends, c'est trop stylé d'aller faire une soirée en boîte en bus. C'est clair. Au moins tout le monde peut profiter. Comment ça dans un bus ? Ouais. Non, tu y vas en bus. J'y vais en bus, ouais. Écoute, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi, Grégory. Merci à toute l'équipe, vous êtes top. Eh ben de rien, on t'envoie ça du côté de Carpiqué, c'est dans le Calvados. Ciao, Greg. Exact. Ciao à toute l'équipe. Bisous. À bientôt, ciao, ciao. Elliot, t'es en train de lever la main, tu vas poser une question chiante. Mais je comprends plus, Christine, quelle est la différence d'aller une soirée dans un bus ou dans une voiture ? C'est la même. Merci, Elliot. Bah, il y a plus de place. Dans quelques secondes, Richard Wolinski. Suffit d'avoir plus de voitures. Dans quelques secondes, Richard Wolinski, c'est ça ? Ouais. C'est pas mal, ouais. Ouais. Sauve nous Richard. SOS Richard, on envoie des signaux de fumée. La soirée reste la même. Viens couper cette conversation Richard. Envoyez la pub là tout de suite. C'est pas tant que j'ai envie de passer de la pub, c'est pour couper Elliot, hein, vraiment. Enfin. Diplo. Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber ! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel.

bienvenue sur Fun Radio. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Je parlais tout à l'heure de ce chef d'armée là aux États-Unis qui a dit que très bientôt on pourrait vivre Terminator, que les robots pourraient vraiment prendre le pas sur l'intelligence de l'homme et peut-être se rebeller un jour. Bah c'est un peu flippant. Ouais, c'est un peu flippant, je confirme. Pour l'instant les robots ils sont complètement teubés, hein. Le seul que j'ai c'est un robot aspirateur, quand il bute contre la chaise il peut rester une demi-heure. Ouais. Enfin, et le jour où ton robot aspirateur te regardera en te disant Hasta la vista, baby. Tu feras moins le malin, je peux te le dire. Quels sont les trucs que vous aimeriez voir, vous pensez que ça va arriver un jour ou vous aimeriez que ça arrive un jour. Gaëlle, il est à Louan, on est dans le 71. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Ah, Gaëlle, elle est à Louan. Bonjour Gaëlle. Bonjour la famille. Bonjour ma chérie. C'est quoi le truc de cinéma, toi, que tu penses ça va arriver un jour ou t'aimerais que ça arrive en tout cas? Bah moi, c'était surtout Retour vers le futur, quoi. Quand on était en 2015, j'aurais bien aimé que tout ça, ça soit arrivé, quoi. Donc, et notamment les vêtements auto-séchants, j'aurais bien kiffé, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah grave. Les robots, le truc, t'appuies sur un bouton et ton blouson, voilà. Il se sèche tout seul. Ah. Et les chaussures qui se lassent toutes seules aussi. Ouais. De feignant, quoi. Ouais. Retour vers le futur, déjà, rien que le principe de pouvoir aller n'importe où dans le passé ou dans le futur, c'est un truc qui m'aurait fait kiffer. Mmh. Gaëlle, je te fais des bisous, ma belle. Bisous, bonne journée. Ciao, ciao. Sindel, à 27 ans, à Long-la-Ville, dans le 54. Bonjour, Sindel. Bonjour, famille. Bonjour, ma chérie. Oula, bah donc elle nous appelle avec. Vous savez ce qu'on faisait petit, les deux boîtes de conserve et un fil. Je sais pas comment ça se fait, mais oui, on me l'a déjà dit. Ouais, écoute, non, pas du tout, vraiment. Non, mais alors, ton kit main libre, il faut le mettre au niveau de l'oreille, hein, par contre. Il est au niveau de Sindel, c'est quoi le truc que tu penses ça va arriver un jour ou t'aimerais que ça arrive? Les zombies. À la Walking Dead. Mais attends, tu penses que ça va arriver ou t'aimerais que ça arrive? J'aimerais vraiment que ça arrive. À la mission avec le beau sabre comme ça. Ouais, que tu... J'ai l'impression d'être au téléphone avec ma mamie et je comprends pas, je suis obligé de dire oui pour pas qu'elle se vexe. J'ai l'impression que t'es comme ton téléphone défoncé, hein, Sindel. Non mais les zombies, alors je crois que c'est dans un toutou perdu, toutou gagné à 6h10 qu'on a vu ça cette semaine, que ça n'existait pas évidemment, sauf chez les fourmis, qu'il y avait des fourmis zombies. Je crois que selon certaines croyances en Amérique latine, je crois qu'ils croient aux zombies et qu'il y a des trucs plus ou moins chelous qui se sont passés. Un zombie qui arrive vers toi, un zombie femme avec un gros décolleté. Tu vois, ça va doucement les zombies. Est-ce que franchement tu lui touches les seins ou pas? C'est une vraie question que je me pose. Sûr, non, Walking Dead. Pas, non. Mais pourquoi? Bah, tu profites, elle va pas porter plainte à les zombies. Si elle va voir le juge en disant il va rien comprendre. Mais s'il y a des zombies fourmis, est-ce qu'il y a des zombies mouches? Bah je sais pas. C'est par rapport à la chanson. Zombie la mouche. Bah le. Faut prendre des chansons. Faut connaître connues, la chanson quoi. À la base. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Je sais pas. C'est vendredi. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Bah oui, bien sûr. Heureusement qu'il y a ce jingle pour te sauver, va. Allez, DJ Snake arrive sur Fun Radio et vous allez jouer au jeu des 30 secondes pour repartir avec un overboard. 32-28. On fait de la radio ensemble juste après ça. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C, Benjamin Braxton et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Bonsoir à tous et bienvenue dans Party Fun sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Welcome in the biggest club in France. Party Fun. C'est Party Fun. Et ce soir, à minuit, Oliver L. Dance. À 2h, Joachim Garraud. En mix dans la première émission Dance Electro de France. Le mois Carrefour. Oh là là, il y a encore un nouveau deal du jour renversant pendant le mois Carrefour. Ouais, aujourd'hui l'ordinateur portable 11,6 pouces Thomson et son disque dur externe de 500 gigas sont à 199€ au lieu de 299. Attention au décollage. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui en magasin et sur carrefour.fr, l'ordinateur portable 11,6 pouces Thomson et son disque dur externe de 500 gigas sont à 199€ au lieu de 299. Référence THB K212, garantie 2 ans. Carrefour. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté.

Ce matin, il est violent, je préfère vous prévenir. Et si vous n'êtes pas bien réveillé, etc., c'est... Ça envoie du bois. Ouais, c'est comme si t'attaquais ta matinée, au lieu d'attaquer avec un café, t'attaques avec un shot de vodka piment. C'est Justin Timberlake. Mais un peu remixé quand même. C'est le bootleg du jour, on va vous le mettre avant 9h du matin. Il réveille. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu des 30 secondes. Ah. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow, le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Erwan a 18 ans, il est agriculteur du côté de Brest. Applaudissements pour Erwan. Ouais, ouais. Bonjour Erwan. Salut la famille. Bienvenue sur Fun Radio Erwan. Tu joues ce matin face à Marion à l'État Perpignan. Secrétaire aux impôts, elle a 20 ans. Applaudissements pour Marion. Bonjour Marion, j'ai l'impression... Pourquoi vous applaudissez moins Marion? Parce que j'ai dit secrétaire aux impôts. Pas du tout. Ah, moins impôts. Marion, s'il vous plaît. Bon, Marion, Erwan, merci d'avoir appelé Fun Radio. Vous jouez pour repartir avec un overboard, d'accord? Yeah, principe des jeux, du jeu des 30 secondes, vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire deviner un maximum de mots. Le gagnant du jeu des 30 secondes revient le lendemain, etc. Tant qu'il gagne, le champion pour l'instant, c'est Mika du JPI. Bonjour. Qui va jouer avec Mika du JPI de vous? Moi, c'est moi. Erwan. Moi, je veux Mika. Très bien. Très bon choix. Erwan et Mika, donc. Marion, il faut que tu choisisses le challenger qui pourra battre Mika et te faire gagner l'overboard. Tu prends qui? Ben, Vachy, c'est le meilleur. Oh là là. T'as victoire en deux semaines. Mon retour. On va pas choisir les moins bons, hein? C'est vrai. I am back, quoi. Vachy, tu vas jouer après le champion. C'est d'accord. Mika qui va commencer. Mika commence avec Erwan, d'accord? D'accord, c'est parti. Erwan, attendez. Dès que le chrono est mis en route, on donne la liste à Mika, il ne connaît pas les mots. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Ok, là je parle dans un, à la radio. Vide. Non, on parle dans quoi? Dans le micro. Oui, ça c'est un bouquin, c'est un... Livre. Ouais, il y a de la paille et du... Foin. Ouais, au poignet tu mets un... Bracelet. Ouais, avec un crayon, quand t'es sur une feuille, tu fais un... Dessin. Ouais, l'eau ou le vin, tu le mets dans un truc en verre, c'est une? Un verre. Non. Une coupelle. Pour servir, c'est grand, où tu mets plein d'eau pour servir dedans. Une gourde. Non. Une carafe. Oh putain, mais on le compte pas, carafe. Bah si. Moi j'ai pas envie. Ah si, allez. Ah non, on le compte, c'était juste avant le gong. Oh là là. 6 bonnes réponses. C'est pas mal, hein, Marion. Très bien, même. 6 bonnes réponses, c'est pas mal. Ouais. Mais tu as Vaché qui peut être excellent dans l'exercice. Ouais, j'en sais rien. C'est ça. Vaché, est-ce que tu es prêt? Allez, Vaché, motivation. Allez, motivation. Pardon, un peu trop. Motivation. Soit je fais la gueule, soit je crie. Il faut que je trouve un juste milieu, pardon. Vaché, Marion, top chrono, c'est parti. Alors, c'est pas noir, c'est... Rouge. Non. Blanc. Oui. Quand tu as un examen, t'as mis des antisèches, t'es en train de... Tricher. Ouais. Quand il y a... Ça fait... Tu vois, genre les pompiers et tout. Non, c'est une... Une sirène. Ah non, on dit... sortez du bâtiment, c'est une... Il y a une intervention. Non, c'est une... Ah mais merde. Une arrestation, je sais pas. Attends, je sais pas comment dire ça. Ça peut être SMS aussi. J'ai reçu une notification, c'est aussi une... C'était une alerte. C'était une alerte. Alors si vous donnez les mots de con à Mika, forcément il va les dire. Moi j'ai des mots durs. C'est pas possible. Personne dit alerte. En 2016, personne dit alerte. Mais c'est... Bravo. Je suis désolé pour toi. Mais et pourquoi tu n'es pas parti? Vaché, calme-toi. Vaché. Arrête de vacher, il y a des cafés en dessous. Vaché, calme-toi. Pourquoi t'as pas utilisé le truc alerte enlèvement? Oui. Mais parce que j'en sais rien. Parce que tout le monde rigole autour. Et c'est déjà, je devrais jouer dans un studio tout seul. Parce qu'il y a des gens qui font chier et qui regardent et qui sont là. Je voyais Mika, il était là. Genre, il a perdu d'avance, quoi. Vaché, il y a alerte à la bombe aussi. Nana à la bombe. Ouais, t'as raison, c'est hyper funky de parler de ça le matin. Ouais, enfin. Erwan, tu gagnes un overboard. Et ouais, on t'embrasse ça vite, on t'embrasse mon pote. Merci Marion, on va t'envoyer l'agenda Fun Radio, on te fait des bisous. Yes. Merci, bisous ma chérie. Bisous. Vaché, on va t'offrir une tisane. On joue jamais quoi déjà, ce jeu on joue tous les 1000 ans si c'est pour perdre. Regarde là, il sautille. T'as quel âge, sans déconner, le gars il a 32 ans, il sautille. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful.

On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 8h48, c'est Fun Radio. On va envoyer un son qui tape là dans quelques secondes. Je préfère vous prévenir. Reculez-vous un peu de votre poste de radio. C'est le bootleg du vendredi. Et donc ce matin, on vous a choisi un bootleg de Justin Timberlake. Mais qui est un peu violent. Mais après tout, c'est vendredi, on est là pour se faire plaisir. Hashtag Bruno Fun Radio, plein de messages qui arrivent concernant le jeu des 30 secondes. Les gens aiment beaucoup quand Vacher perd, visiblement. Voilà, je le dis, Vacher. M'en fous. Non, mais j'ai pas envie de répondre à ça, parce que de toute façon, si je suis le guignol de service. Non, mais c'est vrai, c'est ce que dit Sajid Hunter. Il dit cette star, quand il perd, il est exceptionnel. Parce que le truc, c'est que j'aime pas perdre. Enfin, j'accepterais la défaite si c'était juste. Et là, c'est pas juste. Bah si, c'est juste, non. Il a hyper bien joué. Non, hein. Mais c'est pas que c'est injuste, mais vous mettez une pression, machin. Allez, tout va bien. Changeons de sujet. C'est quoi la différence d'âge? Ceux qui sont en couple, là, dans l'équipe. Non, bah, ça, on va faire plus vite. Qui est célibataire? Il n'y en a pas. On est tous casés dans cette équipe. Il n'y a pas de célibataire. Tous casés. Bien malheureux. Les mêmes qui sortent avec deux meufs en même temps, mais ils ne sont pas forcément au courant. Tout doux, vache. Christina. Ouais. Combien de différence d'âge avec ton mec? 8 ans. Il a 8 ans de plus que moi. Ah, ça se voit, ouais. Ouais, et surtout, alors... ce qu'il faut dire, c'est que quand il est sorti avec toi, il était à peine majeur. Hein. Ouais, lui avait 16 ans quand il sortait avec toi. Non, mais... c'est là que ça gênait tout le monde à l'époque. Mais je les préfère mûrs, ils sont un peu plus raisonnés, je trouve. D'accord. Vacher, t'as combien de différence avec Mariana? Je crois qu'elle a un an de plus, juste. Ah, c'est elle qui est plus vieille? Ouais. Ah, c'est rare dans ce sens-là. Ah ouais? Vacher, avec Tiffen. Non, Elliot. Bruno, tu m'avais dit que t'en parlerais pas. Oui, mais c'est toi qui dis. Il y en a certains dans l'équipe qui ont deux nanas, mais elles savent pas. Moi, voilà, merde. Excuse-moi, ouais, Elliot, oui, pardon. Franché, non, ouais. Mais oublie ce que j'ai dit, c'était vraiment pour une vanne. Ouais, c'était une blague. Hein. Ouais, c'est juste une blague, t'inquiète. Ok. Bah, moi aussi, pareil, elle a un an de plus que moi. C'est une cougar. Karina avec Bijou. On a 3 ans d'écart, nous. Lui est plus vieux de 3 ans que moi. Fonf avec Vladimir. 4 ans. De plus ou de moins? De plus. De moins. Non, je croyais que. Non, moi, de plus. À toi, de plus, ouais. D'accord. Ah, ok. Et toi, Bruno? Moi, 7 ans. 7 ans, de plus ou de moins que ta grosse? Ok. Non, c'est un réflexe. C'est amical. C'est amical à la base. T'as 7 ans de plus que ta chérie, donc. Et ta femme, hein, ouais. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut couper la musique? Est-ce qu'on peut faire juste une pause de 2 secondes? Est-ce que quelqu'un. Est-ce que quelqu'un dans cette équipe. Oui. Peut me dire. À quel moment. Parce que moi j'ai pas vu, c'est, je fais beaucoup de choses, je suis producteur de cette émission, je vois à quel moment le respect a quitté cette équipe. C'est-à-dire, je sais qu'il était là l'année dernière encore en fin de saison. Je voyais, il venait, il se posait dans un coin. Des fois, je le voyais pas bien, mais il était toujours un coin du studio. Ouais. À quel moment le respect est parti? Alors, je crois qu'il a commencé à faire la gueule quand on faisait l'accent chinois. Voilà. Non, mais je l'ai vu, je le regardais quand on faisait bonjour, bonjour. Le respect, il disait oh. Là, on sentait qu'il était triste. Ouais. Et quand Elliot, effectivement, a commencé à parler de ta femme, j'ai pas vu une seule trace de lui. Mais non, il est parti, on est d'accord. Ouais, mais rassurez-moi, le respect n'est pas mort. Non, en vrai, il est pas mort, mais je crois qu'il est parti en voyage et pour longtemps. Non, mais tu crois? C'était amical. Ah ouais, bah c'est vrai, ça fait toujours plaisir quand tu dis à quelqu'un, et donc, comment ça, ma grosse? Non, mais c'est pas ma grosse dans le sens genre. Moi aussi, j'appelle ma femme. Non, mais grosse, surtout que ta chérie, elle est toute fine. Non, Bruno. Mais c'est pas bon, toi. Les amis, revenons à notre sujet. Voilà, je vais vous donner le chiffre, je vais balancer la musique et je vais casser la gueule à la personne. C'est comme si j'avais dit, ouais, comment elle va, mes mères? Mais c'est pire! Ah oui, parce que genre, elle est vieille. Mais non, mais c'est amical, là. Vous comprenez rien dans cette équipe! Non, mais c'est. La réponse est 4 ans et 4 mois. C'est 52 mois de différence. Ah. Et il faut que ce soit le garçon qui soit plus vieux que la fille. D'accord. Et donc, si on n'a pas ça, c'est mort pour notre couple, quoi. J'ai plus envie de parler. Ah, d'accord. Je vais envoyer le bootleg. Et vous allez voir, imaginez dans votre tête, quand le disque va partir, le tempo, à chaque coup de tempo, je vais foutre un coup de poing à Elliot. Non, mais c'était des bons. Ça et on va se retrouver dans 3 minutes. C'est quoi? On va appeler ta meuf. Je vais dire comment ça va, ma grosse. Mais elle a l'habitude. Mais il l'appelle comme ça déjà, Elliot. Enfin, ouais, à côté de mes amis, elle est dans le coin, alors on va dire rien. Bootleg du jour. Got that good soul in my pocket. it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. It's just as I should. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop feeling. So just dance. Il fait mal, hein. Il tape ou pas? Il est très bon. Mashup du vendredi, j'ai dit bootleg, oui, c'est un mashup. Oh, et oh, ça va. L'essentiel, c'est que ça parte le vendredi et que ça fasse plaisir. Ce soir, tiens, puisqu'on est en mode party fun, là, le vendredi, on se met déjà un peu dans l'ambiance de boîte. Joachim Garraud mix dans party fun ce soir et Oliver Heldens. Ça va être ouf. Oh, ça fait plaisir. Il était bien ce mashup. Trop bon. Elliot, il est où? Ah, oui, il est parti. Dans il 4 est minutes, là 9h. Non, plus là. Sur Fun Radio. Gros succès hein, d'Eliott qui donc appelle sa meuf ma grosse ou mes mères. Tu vois, je peux te dire que tu t'es fait des copines auprès des auditrices de Fun Radio hein, qui t'aiment toutes. Le JPI, ouais. Journal pour image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui nous fêtons les Alain. Alain Juppé, Alain Bernard ou encore Alain Wakbar. Vous savez quoi? Je ne ferai plus cette émission du vendredi. Moi, je viendrai du lundi au jeudi. Et puis après, je vous laisse pour le dernier jour. Alors, on a dit que le respect n'était pas mort, mais visiblement, il a fait un AVC quand même. Voilà. Mais vous avez fumé la moquette. Ouais, tout va bien. Tout vous va avez bien. Pété la moquette, donc. Hein. Allez, on y va. Et pour commencer, Apple a annoncé que l'iPhone 7 pourra coûter jusqu'à 1 100 €. En supplément, cette année, il sera vendu avec un tube de vaseline. Sexisme, une grande campagne contre le sexisme au quotidien vient d'être lancée. Si je dis à une fille que sa jupe lui va bien, c'est sexiste? Bah oui. Et si vous dites à une fille que sa jupe lui va bien, c'est sexiste? Bah non. Ah bah voilà, la vraie inégalité homme-femme, elle est là en fait. Hein. Les épreuves écrites du concours de police ont débuté cette semaine. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? J. E. M. Accent. Il est où l'accent? A. Accent. A. P. Anthony? P. Anthony? E. Anthony, qu'est-ce qui se passe exactement là? Bah, je suis avec un candidat qui essaye d'écrire son nom sur sa copie. Pas évident. Ouais. J'espère que vous avez du temps devant vous, Anthony. Courage.

Moi, vous m'avez perdu, je vous jure. J'ai fait mon lancement et je suis arrivé à la fin et tu me regardais comme si tu attendais. Parce qu'on attendait que tu finisses en fait. Oui. Moi, je suis parti dans une impro, mais vu que c'est pas mon fort. Ah, mais c'est quoi ton fort en fait? Bah, je le cherche toujours. Allez, c'est Maxime Poulaouec pour les infos. Bonjour. Bonjour à tous. La météo pour commencer ce vendredi 9 septembre. La semaine qui va se terminer sous le soleil quasiment partout. Ce sera plus nuageux avec quelques gouttes sur la pointe du Finistère et sur les Pyrénées. Il fait 10 à 15 degrés ce matin. Dans l'après-midi, on attend 20 à 25 le long de la Manche et de l'Atlantique. 26 à 29 ailleurs, jusqu'à 33 pour la région nîmoise. Une opération antiterroriste hier soir dans l'Essonne. Trois femmes décrites comme radicalisées et fanatisées ont été interpellées à Boussy-Saint-Antoine. La plus jeune d'entre elles, âgée de 19 ans, et la conductrice de la voiture remplie de bonbonnes de gaz est retrouvée à Paris le week-end dernier. Elle a prêté allégeance à l'État islamique. Un policier a été blessé d'un coup de couteau à l'épaule lors de l'intervention. Selon Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, les suspects préparaient des actions violentes et imminentes. Un François Hollande en route vers 2017. Le chef de l'État a tenu un discours hier à Paris, toujours pas officiellement candidat à la présidentielle. Il a toutefois renoué avec des accents de campagne. François Hollande s'est posé en défenseur de l'État de droit face au terrorisme et n'a pas ménagé ses attaques contre la droite et contre son meilleur ennemi, Nicolas Sarkozy. Les naufragés de la nuit, 33 personnes ont passé la nuit bloquées dans des télécabines au-dessus des glaciers du Mont Blanc, soit à plus de 3500 mètres d'altitude. En cause d'un incident technique, le système a été remis en route peu après 8 heures et les victimes ont retrouvé la terre ferme. Première médaille d'or pour la France aux Jeux paralympiques. Sandrine Martinet, déficiente visuelle, a décroché l'or hier soir en judo chez les moins de 52 kilos. En tennis, Gaël Monfils entre en lice ce soir en demi-finale de l'US Open. Il affrontera le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. 9h passé de 5 minutes. Bonne fin de semaine, bon week-end avec Fun Radio. Bruno on Fun Radio. Vendredi, nous sommes le 9 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h05, bonjour! N'importe quoi l'émission de ce matin, n'importe quoi de chez n'importe quoi. Vendredi matin, voilà, ça veut dire qu'on passe en mode week-end les amis, avec le son de Fun Radio. Tiens, est-ce que vous connaissez ce dos? J'adore, ça s'appelle Parakeet. C'est un de mes morceaux préférés en ce moment sur Fun Radio. Et un autre dos qui est ouf et que vous avez découvert sur Fun, c'est ça. Et c'est français, monsieur. Ça s'appelle Lion. Ça va arriver dans la demi-heure. Bon, il y a des sons que vous connaissez mieux, bien sûr. Nouveau Major Lazer, là, dans quelques secondes. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là. Il y a Christina. Bonjour. Christina, toi qui es un peu la productrice de cette émission, il faut que tu m'expliques à quel moment il y a eu une faille spatio-temporelle dans laquelle on s'est engouffré. Moi, je dirais vers 8h30, pendant le jeu des 30 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Vacher. Bonjour. Vacher, vous-même qui êtes un peu un professionnel du métier. Alors, pour ceux qui ont écouté, il y a un moment où Christina devait effectivement intervenir sur les factures. Ouais. Et elle avait l'air un peu. C'était 8h10. Ouais, 8h10. Elle avait l'air un peu pompette. Et je crois qu'à partir de 8h10, l'émission a brillé ce matin. Oui, oui. En fait, je crois que j'ai ouvert une porte et tout le monde l'a enfoncé et rentré dedans. C'est pas ça, c'est que Elliot est rentré, on n'a pas réussi à la refermer. Ça va, Elliot? Oui, moi je me suis réveillé vers 8h30, alors du coup j'étais chaud. Non, en vrai, c'est ce qu'on appelle un lâcher-prise. Parce qu'on est vendredi et parce qu'il y a des auditeurs qui sont venus nous voir ce matin dans le studio. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez venir nous voir, c'est christina@funradio.fr. Et j'en profite aussi pour embrasser Laetitia, qui est avec nous ce matin, qui se marie demain. T'es sûr de toi? Viens là, Laetitia, viens voir. Viens donc au micro, on passe un moment amical et cocasse. Laetitia, comment ça va? Très bien, merci. T'as quel âge, Laetitia? J'ai 28 ans. 28 ans. Et il s'appelle comment? Jérôme. Vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans? Oh. Et vous vous mariez déjà? Ouais. C'est tôt, non? Non, mais on se connaissait. Ah, vous connaissez. Mais vous avez profité de la vie un peu avant ou pas? Oui, ça va. T'as eu des plans? T'as eu combien de temps? Elliot, faut que t'arrêtes. Ah non, mais c'est une bonne question. T'as eu combien de voitures avant de choisir celle que t'as aujourd'hui? Oui, voilà. Faut quand même essayer avant d'acheter. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, sinon, il n'y a pas moyen. Mais du coup, c'était quoi? C'était un peu la centrale de l'occasion ou Et là, actuellement, t'es plus sur une Twingo ou un break? Non, coupé sport. Ah, ah. Donc c'est classe, mais c'est petit. Et c'est rapide surtout. Efficace. Bon, et sois heureuse, Laetitia. Ça fait plaisir. Elle est venue enterrer. C'est un peu un enterrement de vie de jeune fille, mais chez nous. Exactement. Et ben, tu sais quoi, vu qu'on fait un enterrement, on mettrait Elliot dans le trou. Tout ça, hop, ni vu, ni connu, je t'embrouille. Allez, c'est le top 3 d'Eliot. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliot. Gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission, c'est le top 3, c'est avec Elliot. Numéro 3. Et vous commencez à le connaître, il s'appelle Teddy l'Américain, vous l'adorez parce que sur Twitter vous êtes à fond avec le hashtag Bruno Fun Radio. Et il est revenu ce matin et je me devais de le mettre dans le top 3 parce qu'il était assez exceptionnel. Voilà, si vos enfants ont appris quelques mots d'anglais, bouchez-leur les oreilles sur la banquette arrière. Non, c'est français ce que j'ai dit. Si vos enfants connaissent quelques mots d'anglais, ça ne veut rien dire. Bouchez-leur les oreilles. Et si vous êtes dans votre salle de bain, bah, désolé, il faut trouver une banquette arrière. C'est quoi ? On va envoyer l'extrait. Allez, on y va. Et tous les jours, on paye des factures et ça fait rêver. Et je pense à Teddy, notre fermier qui est dans le Wisconsin à bord de sa moissonneuse batteuse et qui nous écoute tous les matins. Il doit trouver ça complètement dingue. Oh, it's so crazy, man. C'est tellement fou. Tous les jours, quand j'écoute Fun Radio, il n'y a pas un jour où il ne paye pas une facture. Je suis en train de fumer ma cigarette, peinard, et je les entends. Et les gens sont contents, ils gagnent. My dog is licking my ass. Même mon chien est heureux quand il entend ça. Alors. Good times. Merci Teddy. Il est bête. Je l'adore ce Teddy. Numéro 2. On lui fait des bisous. Numéro 2. Certains diront dans cette émission que nous sommes un peu clichés, Bruno. C'est vrai parce qu'on fait des accents de temps en temps. Mais bon, la parité respectée parce que nous faisons aussi l'accent français. Oui, nous avons été bons franchouillards ce matin. C'était pendant le chiffre du jour, Bruno, quand tu as posé cette question. 20 millions de boîtes sont vendues chaque année, mais 20 millions de boîtes de quoi ? Vaché. Est-ce que c'est pas les boîtes de camembert, vu que tu disais que c'est en France, genre on est français, on mange du camembert, la baguette sous le bras et on joue de l'accordéon. Ah bien sûr, tu veux dire que c'est comme dans les films américains. Voilà. Ouais, bien sûr. Et puis on roule dans des vieilles deux chevaux, même si on est en 2016. Attention, le courant d'air, mon béret va s'envoler par la fenêtre. Mon ballon est de vin rouge et je tire sur tout ce qui bouge. Foulard rouge autour du cou et je porte une marinière, car je suis français, mon frère. Et ma femme a des robes à fleurs et des chaussures compensées. C'est français, les chaussures compensées, c'est pas. On s'en fout, c'est une chanson. Ah bon. Laisse-nous aller. Oui. Tu vois, c'est notre cœur qui parle, Elliot. Allez, numéro 1. Numéro 1. On a relancé le moment Thug Life aujourd'hui. Ça faisait depuis le début de l'année qu'on l'avait pas fait. C'est grâce à une auditrice, Christelle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on relance ? Ah oui, oui, c'est elle qui sur Twitter a dit qu'elle a attendu que les enfants soient couchés pour manger une glace. Ça y est, j'ai révisé. En gros, j'ai fait une petite compile de tous les moments Thug Life qu'on a vécu ce matin. Écoutez. Je veux te dire, la semaine dernière, je voulais appeler l'ascenseur, t'as vu ? Sauf que le gars du dessus l'avait déjà appelé. Donc ok, je descends par les escaliers. Sauf qu'au deuxième étage, j'ai appuyé sur le bouton. Comme ça, le gars, lors de sa descente, avant d'arriver au rez-de-chaussée, il s'est arrêté au deuxième pour rien. Perds du temps, frère, au deuxième étage. Bénédicte, 20 ans à Nanterre. Salut Bruno, salut l'équipe. Salut frère. Salut Bénédicte, on t'écoute. Alors moi, mon mec, il m'a demandé de m'épiler et je l'ai pas fait. Thug Life. Couche avec Chewbacca, t'as pas le choix. Couche avec Chewbacca. Il est en forme, vaché. Ouais. Tu te découvres des talents de rappeur. Repassez demain, monsieur, on ne parle pas avec les robots. Bonjour les amis. Bon, Mika, salut. Tu sais quoi ? De bons mots valent mieux qu'un long discours. On va te laisser prendre les rênes de cette radio jusqu'à midi. On aurait aimé te laisser Fun Radio dans l'état. On l'avait trouvé en rentrant dans le studio ce matin à 6h. Je sais pas ce qui s'est passé.